Et sur FIP et FIPradio.fr. FIP, une radio de Radio France. France Inter, il est 11h. Les dernières informations, Dominique Delaroy. Manuel Valls et le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve en tournée dans des commissariats de l'Essonne au lendemain de l'attaque avec des cocktails Molotov de 4 policiers à Viry-Châtillon. Première étape ce matin, Savigny-sur-Orge, le policier le plus gravement touché dont le pronostic vital est engagé, appartient au commissariat de cette ville. Une policière, elle aussi sérieusement blessée, vient de celui d'Athis-Mons. Les deux derniers sont basés à Juvisy. Ils effectuaient une mission de surveillance à proximité d'un feu rouge de la cité difficile de la Grande Borne, un secteur connu pour ses vols avec violence sur des automobilistes. Bernard Cazeneuve doit se rendre ensuite à Londres et il demande au gouvernement britannique de reprendre tous les mineurs isolés du camp de migrants de Calais qui ont un lien familial au Royaume-Uni. Ils sont plusieurs centaines dans ce cas. Je demande solennellement à la Grande-Bretagne d'assumer son devoir moral, déclare le ministre de l'Intérieur. Calais, où un migrant érythréen a été percuté et tué hier soir par un automobiliste britannique sur l'autoroute A16, il participait à un barrage pour ralentir les camions en direction de la Grande-Bretagne. Si le président de la République décide que le président russe vient, ça ne sera pas pour des mondanités, ce sera pour dire des vérités sur ce qui est en train de se passer là-bas en Syrie. Propos ferme de Jean-Marc Ayrault. Le ministre des Affaires étrangères était l'invité de France Inter ce matin. Cette visite en France de Vladimir Poutine est prévue de longue date, mais devant la situation à Alep, le bombardement répété de civils, François Hollande menace de ne pas l'accueillir et s'il le fait, ce sera donc pour faire prendre conscience à la Russie qu'elle est en train de s'engager sur une route dangereuse, a souligné Jean-Marc Ayrault. Bonne nouvelle pour Alstom. Alstom qui décroche avec plusieurs partenaires le contrat pour l'extension de la ligne du métro de Dubaï en vue de l'exposition universelle de 2020, ça devrait rapporter au groupe français quelque 1,3 milliard d'euros. Une église de Saint-Étienne va cesser demain d'héberger de nuit des sans-abri, ce qu'elle faisait depuis une dizaine d'années. Le père Riffard, en retraite, a annoncé la nouvelle au cours de la messe dominicale à l'église Sainte-Claire. Son association gère ce centre d'hébergement d'urgence qui n'a pas de porte coup de feu, comme le lui reprochent les autorités. Les quelques 70 personnes qui y dorment actuellement, pour l'essentiel de jeunes Africains, vont devoir aller ailleurs. La plupart se verront proposer une solution, mais pas tous. Le père Riffard est amer. Nous plaçons le droit à ne pas dormir dehors au-dessus du code de la construction, dit-il. En tennis, Benoît Paire s'est qualifié pour le deuxième tour du Masters 1000 de Shanghai après sa Corse pour le français, puisqu'il rencontrera au prochain tour soit l'Argentin Juan Martín del Potro, soit le Belge David Goffin, finaliste hier à Tokyo. C'est fini pour un autre français, Stéphane Robert, chez les dames. Alizé Cornet, on passe avec succès le premier tour du tournoi de Hong Kong. Du lundi au vendredi sur France Inter, à 12h30. Carnet de campagne au carrefour des bonnes nouvelles près de chez vous. Avec Philippe Bertrand. Les carnets dans le Jura. Aujourd'hui, un pôle territorial de coopération économique qui innove, crée des emplois et revalorise les déchets. Et puis une aventure humaine de 18 000 km à vélo à destination de l'Inde pour diffuser les savoir-faire locaux. Carnet de campagne, Philippe Bertrand, tout à l'heure sur France Inter, à 12h30. Une Yaris hybride. T'as encore été augmenté ? Ben non, mais pas du tout. Elle coûte que 159 euros par mois. Une hybride à 159 euros par mois ? Ben ouais. Mais je peux en avoir une à ce prix-là ? Jusqu'au 31 octobre, la Toyota Yaris hybride est au prix exceptionnel de 159 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière pour Yaris Hybrid France en location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer 1990 euros, bonus écologique 750 euros déduits sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Christophe reprend la route avec France Inter et France 3 à l'occasion de la sortie de son 13e album Bonheur. Les vestiges du chaos. Des mouvements déliques. Accompagné de ses musiciens, Christophe sera en tournée dans toute la France. Et à Paris pour 4 concerts exceptionnels, les 31 janvier, 1er, 2 et 3 février 2017 à la salle Pleyel. Stella, entre dans ma danse, je t'en prie. Retrouvez Christophe dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr. Et à 11h05 sur France Inter, on retrouve la bande originale avec Nagui. Merci Dominique Delaroy, on vous retrouve tout à l'heure à midi pour d'autres informations. qui est là, Kadour Boudet. Bonjour, Laurent Nzaoui. Bonjour, Tom Villa. Bonjour, Daniel Morin. Bravo, Daniel. Richard. Bonjour. Et nos invités, Jérôme Salle et Lambert Wilson. Oh là là là là. Quel début de semaine. Oui, c'est surtout c'est le film événement, j'allais dire, de cette rentrée, peut-être même de l'année en tout cas. Merci d'être là, messieurs Lambert et Jérôme, et surtout Tom. Oui. Vous savez pourquoi on les a invités, j'espère que vous savez pourquoi. Mais évidemment que je sais, Nagui, vous les avez invités pour la simple et bonne raison que si vous avez consacré une émission entière à Camping 3, il n'y avait aucune raison de ne pas en faire une pour l'Odyssée. Vous allez parler de pipe. On va peut-être pas rester. Non, pas du tout. Non. De quoi? Non, plus, non. Bon, bref. Lambert Wilson, Jérôme Salle, vous venez nous présenter l'Odyssée. Alors, je préviens nos éditeurs tout de suite, rien à voir avec l'histoire où il y a une nana grecque qui tricote pendant qu'elle attend son mec, rien à voir avec le mec en question qui combat des cyclopes ou des sirènes, ni avec la carrière politique de Jean-François Copé. Non, l'Odyssée, c'est le biopic sur le commandant Cousteau, plus connu sous l'homme au bonnet rouge, voilà, qui était ni breton ni éleveur de porc. Alors voilà, pour tout vous dire, j'ai eu une petite frayeur il y a 6 mois parce qu'il y a une photo de vous, Lambert, qui a fuité sur internet où on vous y voyait vieilli avec ce fameux bonnet rouge et je me suis dit putain, ils vont quand même pas faire un biopic sur Jean-François Derek. C'est pointu, ça, comme blague, non? C'est une blague pointue. Et heureusement, non, c'est sur Cousteau. Alors, un casting vraiment parfait. Lambert Wilson dans le rôle du commandant. Audrey Tautou qui joue sa femme Simone. Pierre Ninet qui joue le fils, Philippe. Vraiment beau boulot. Peut-être si on pousse le bouchon, peut-être que ça aurait mérité d'avoir Guillaume Gallienne. Mais bon, tu prends Gallienne en plus du plongeur. Il veut jouer l'Otari, le dauphin, la moule et l'étoile de mer. Donc, ça aurait été quand même très compliqué. Dis donc. Mais on parle. Sois bon camarade. Mais on est bon camarade. Travaille à l'intérieur, Guillaume Gallienne, c'est Ah bon? Oui. Maison, alors, je retire. Écoute l'antenne. Pour les plus jeunes, et elle est plus là, ma chat Béranger. Non, elle est plus. Okay. Alors, si, mais plus discrète. Plus discrète. C'est le monde du silence, moi. Il a des lèvres. Très bien. Alors, pour les plus jeunes, je rappelle qui est le commandant Cousteau. Quand même, c'est très important. C'est le mec qui a découvert que le corail et les poissons résistaient assez mal à la dynamite. Voilà, en gros. Parce que oui, Cousteau, c'est cet homme qui nous a tous permis de découvrir ce qui se passait sous les océans. C'est lui aussi qui a permis de faire la plongée qu'on connaît aujourd'hui avec des scaphandres tout pourris. Tu sais, va plonger avec une armure de chevalier reliée à un tuyau d'arrosage. Toi, tu vas pas les emmerder longtemps, les baleines. Non, dans le film, on découvre plein de choses qu'on savait pas sur Cousteau, voire même quelques pardons. Il était prêt à tout pour financer ses explorations. Disons que Cousteau a énormément œuvré pour la connaissance des fonds marins, mais s'il avait vécu en 2016, ça ferait longtemps qu'il se serait pris Greenpeace au cul. Voilà, en gros, c'est ça. C'est quand même le mec qui définit le paradoxe. Il a milité pour la protection des poissons tout en étant celui qui allait les faire chier. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. On dirait un homme politique, Cousteau. Mais c'est vrai que. Dépêche-toi de venir parce que Jérôme veut un droit de réponse. Mais j'attends, surtout sur Greenpeace, on m'en parle. Le cas Cousteau, c'est quand même un cas d'école. On devrait appeler ça le cas Mère Teresa parce que c'est un sujet de disserto bac. Peut-on dire du mal d'une icône sans passer pour un connard? Vous avez 4 heures, je vous laisse. Cousteau, il a quand même fait prendre conscience aux gens qu'il fallait respecter la mer, ça c'est génial, mais c'est comme si Hulot nous avait fait aimer la forêt amazonienne en décapitant des Indiens. C'est un peu bizarre quand même, tu vois. Mais bon, toutes les grandes figures aimées du grand public ont leur pardon. Prenez Nagui au hasard. Deuxième au classement des animateurs préférés des Français. Deuxième. Oui, deuxième. Derrière Landru. Et Philippe Risoli. Sous ses airs de père de famille idéal, proche des gens de son public et des artistes. Vous croyez quoi? Lui aussi, là, ses petits excès de colère. Qui a touché à ma session d'ordinateur? Et pourquoi Daniel Morin parle mieux anglais que moi? Et j'avais demandé un thé vert et pas un Earl Grey. Non, mais c'est vrai, il est fou, Nagui. Et puis bon, pour revenir à Cousteau, c'est quand même le premier explorateur animateur. C'est l'un des pionniers à la télé. On part de Cousteau, on passe par Hulot et on arrive à Frédéric Lopez. Voilà. Cousteau, okay. Au moins, il avait la décence de parrainer Marianne James et Arthur faire chier les pingouins. Bref, je sais pas si j'ai tout compris, mais si vous aimez les bonnets rouges, la mer, et enfin pouvoir dire j'ai vu un grand film français, ça, eh bien, l'Odyssée est fait pour vous. La bande originale, Nagui, sur France Inter. On va parler évidemment de la beauté des images, de la qualité de... Vous voulez un café, quelque chose? Oui. On veut bien un petit café, pourquoi pas. Voilà, je vous en prie. J'adorais La Chute. Ouais, sur le grand film. Oui, La Chute était bien. Grand film français, ouais. Mais avant, Jérôme, je vous ai... Vous tiquiez... Vous ticatez. Non, je tique. Mais non, mais parce qu'il sait très bien ce qu'il fait, en fait. Vous savez, à un moment donné, il sait très bien qu'il a une mauvaise foi au moment où il fait le billet. Tom Villa, on l'a pris pour ça. Voilà, donc à quoi ça sert de répondre? Il prend pas en compte le parcours. C'est-à-dire, il fait une photo globale comme si l'homme en 1950 était le même que celui de 1990. Non, il y a une évolution. C'est-à-dire qu'il prend conscience qu'il faut protéger. D'ailleurs, on le voit dans le film. Voilà, c'est ce que raconte le film. Et il fait un mea culpa sur ses activités du début. Absolument. Et il passe beaucoup d'années à le faire. Mais moi, je reviendrai sur un point qui. Non, mais n'empêche. fait une chronique pour faire rire. Il est très aimé, il y a des gens de Greenpeace qui ont vu le film et qui trouvent que c'est un exemple pour les mouvements écolos. Mais il a quand même raison de souligner qu'au début, le commandant Cousteau n'avait pas une préoccupation très intense comme personne à l'époque. Oui, non, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est bien. C'était une belle enflure. Jérôme, ce projet, vous l'avez porté pendant des années. Vous êtes à l'avant-veille de sa sortie. Moi, je voulais juste savoir dans quel état physique vous êtes. Moi, je suis assis déjà sur une chaise. Non, je suis tranquille. Vraiment, je suis mort de peur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Je suis mort de peur. Non, je suis mort de peur. À deux jours, c'est terrible. Je pourrais arrêter de faire ce métier juste pour ne plus vivre ça. Ce moment du mercredi, ce moment où vous réveillez le matin, vous attendez les chiffres qui tombent. C'est un moment où on ne peut plus rien y faire parce que ça y est, les dés sont lancés, les copies sont faites. Alors de quoi on a peur ? De quoi on a peur si on ne peut rien faire ? Mais parce qu'en fait, on a envie que les gens voient le travail que vous avez accompli pendant des années. Mm-hmm. Et puis aussi, je pense que c'est aussi la liberté que ça vous donne. C'est-à-dire que si le film, en l'occurrence, c'est un film comme l'Odyssée qui est une prise de risque pour tout le monde. Si le film fait des entrées, ça veut dire qu'on garde de la liberté. C'est-à-dire qu'on peut continuer à faire ce genre de film avec cette ambition-là. Sinon, j'irais faire. Non, je ne vais pas. C'est votre cinquième film et on l'a vu et c'est une réussite. Et vous le savez, puis vous avez déjà lu les critiques. Il y a eu beaucoup d'avant-premières, une standing ovation au festival d'Angoulême de Dominique Besnéard. Donc vous le savez, en tout cas, il y a un accueil qui est Dominique extrêmement. Dominique Besnéard était debout, absolument. Ce qui est déjà un événement cinématographique. C'est tranquille, Dominique Besnéard. Mais c'est pas gentil. Voilà, laissez-le tranquille. Et un Lambert Wilson. C'est qui Besnéard qui est tellement crédible, tellement fort. Est-ce que ça a été difficile d'incarner ce personnage ? Est-ce que c'est un autre travail que de jouer dans un film et de jouer quelqu'un qui a existé ? Le travail est difficile. En fait, curieusement, je me suis rendu compte récemment que finalement, en dehors de toute la préparation normale, lire les biographies, regarder les films, écouter les interviews, que finalement, c'est un personnage qui était tellement présent dans mon inconscient depuis que je suis enfant. Là, on vient de perdre M. Tchernia, par exemple. Ouais. Ben, c'est pareil, c'est Léon Zitron, Guy Lux, Cousteau, ils étaient quelque part dans mon cerveau et à un moment donné, ça infuse et puis quand on doit appuyer sur le bouton, il y a quelque chose qui remonte à très longtemps. Et donc en fait, ce n'est pas de l'imitation, c'est une sensation qu'on a eue du personnage depuis des années. Mais alors, ce qui est différent, c'est que j'ai eu ça avec Cousteau alors que je ne l'ai pas eu avec l'abbé Pierre, parce qu'au moment où j'ai fait l'abbé Pierre, je ne savais rien sur lui et j'ai vraiment commencer au point zéro. Avec Cousteau, ça, c'est depuis l'âge de 6 ans. Votre enfance. Mais totalement. Et en plus, il y a eu un parallèle assez étonnant entre la vie des Wilson et la vie des Cousteau. C'est qu'en plus, j'ai appris à nager à Bandol, là où il avait sa maison. C'était très quotidien, enfin, hebdomadaire, disons, la présence de Cousteau. Donc, ton père a enregistré des voix. Et en pour plus, oui, il y a aussi, c'est vrai, j'oublie ça, des liens inattendus, comme il a fait plusieurs saisons, la voix pour les séries de Cousteau, mon père, voilà. Et donc, on était un peu connectés, ces deux familles, sans vraiment se rencontrer. Et vous, Jérôme, vous êtes rendu compte que vos enfants ne connaissaient pas Cousteau ? Non, je les avais mal élevés, quoi. Non. Ça va, donc j'ai été obligé de faire un film, du coup. Voilà. Non, c'est vrai, un jour, j'ai parlé avec ça eux. Ça coûte cher, l'éducation. Ah, c'est terrible. Pas aux autres. Producteurs, aux autres. Non, c'est vrai qu'un jour, en parlant avec eux, en leur donnant le nom de Cousteau, ils m'ont regardé avec des grands yeux vides. Et je me suis aperçu qu'ils n'avaient jamais entendu ce nom. Et ne ça, parle pas des yeux vides des enfants quand on parle des enfants. Si, ça m'a fait poissons. Peur. Ça m'a fait penser aux poissons. J'ai le sentiment, après avoir. Je m'étais préparé à voir le biopic de Cousteau. Et en fait, vous faites quoi pour vous préparer à voir le biopic de Cousteau ? Physiquement, je veux dire, je fais des bombes, des abdos, je me dis, je vais voir le biopic. Et en fait, j'ai le sentiment d'avoir vu un film qui. D'accord, raconte la vie du commandant Cousteau, mais c'est surtout un film entre un père et ses fils. Et cette relation-là, cette éducation dont vous parlez, je trouve est vraiment le nerf de la guerre. Donc c'est surtout un film de transmission, un film d'amour entre père et fils. Oui, c'est un film sur la famille, moi c'est ce qui m'a touché. Ouais. Je voulais éviter le côté biopic Wikipédia qui m'ennuie moi en tant que spectateur. Fallait trouver un angle. Voilà, il fallait trouver un angle. Et cet angle familial, cet angle du rapport père-fils, et aussi la transmission, mais aussi ce que le fils apprend au père à un moment donné, parce que le fils guide le père aussi justement justement sur la voie de l'écologie, parce qu'il est une génération, voilà, une génération différente. Et du coup, c'était à la fois, il y avait un enjeu dramatique fort entre eux, un truc très universel sur le rapport père-fils. Et puis, il y avait quelque chose de plus spécifique, justement, sur ce parcours de Cousteau sur le chemin de l'écologie. Lambert ? Je voudrais ajouter qu'en fait, je pense personnellement que le film est avant tout sur les rapports entre les pères et les fils. Et effectivement les rapports de la famille. Cousteau, clairement, il est là. Il y a aussi l'aspect de l'aventure des paysages, l'aventure de la Calypso, mais j'ai l'impression que secrètement, Jérôme a fait un film sur les pères et les fils. Ah oui, je peux faire un petit coup de pouce, parce qu'on n'est pas en compétition. J'ai vu hier un film absolument merveilleux, Mercenaires, de Cyril Wolf. Ah, qui est génial, ce documentaire. Et voilà, c'est un film sur le rugby, sur les quelques qui viennent. Sacha Wolf, hein, ouais. Effectivement. Et juste parce que c'est un film qui voilà, va pas sans doute durer très longtemps, parce qu'il est sorti avec peu de moyens. Mm. Allez voir ce film extraordinaire. Mais allez le voir avant mercredi. Voilà, on veut bien l'aider, mais allez le voir avant mercredi. J'ai deux jours. Ouais, mais bah, voilà, il vous reste deux jours. On en a parlé ici, c'est l'histoire d'un jeune rugbyman de Wallis et Futuna qui est recruté en France, qui rejoint un club du Sud-Ouest, qui est déraciné. Oui. Qui n'est pas forcément très très bien accueilli ici, et c'est merveilleux. Ouais. Quel rapport à Cousteau ? Père et fils. Et en fait, d'accord. Justement, il y a l'autre fils, il y a Pierre Ninet, et puis il y a Benjamin Laverne de la Comédie Française que j'aime beaucoup. Qui incarne Jean-Michel. Ouais. Qui incarne Jean-Michel, et ça, c'est déchirant. Cette absence de lien, Il y a la scène où Roger... Moi, je suis là à côté de toi, elle est bouleversante. Je suis là. Cette scène. Oui, pardon, j'ai pas exactement. Non, mais c'est ça, parce que je veux pas spoiler, mais en gros, juste cette réplique, je suis là. Voilà. Et ça, c'est vrai. En tout cas, cette situation avec les deux fils, oui, c'est vrai, oui, absolument. Ouais. Ce rapport-là, il est extrêmement en forme. C'est une très belle histoire d'éducation, d'amour, de transmission. Chacun apprend de l'autre. C'est là où on voit aussi l'influence de l'un et de l'autre, de voir comment un père initie au premier pas, au premier tour de vélo, peut-être pour nous tous comme un des mortels, mais là en l'occurrence c'est les premières fois avec la plongée. Première plongée. Voilà, ouais. Les premières plongées. L'autre défi que vous aviez, Jérôme, c'était évidemment, étant donné cette toile de fond que vous aviez choisie, celle de raconter le commandant Cousteau, c'est d'avoir de très très belles images sous-marines. C'est un défi que vous avez réussi, qui était dur à transformer cet essai. Oui, c'était compliqué. En plus, moi, je voulais tourner en la nature. Je voulais filmer la nature. Je voulais pas faire des effets spéciaux, du fond vert. Donc, on en a très peu. Et donc, il fallait emmener les acteurs. Il fallait d'abord que les acteurs apprennent à plonger, déjà, ce qu'ils ont fait. Et ensuite, aller aux quatre coins du monde pour filmer la nature. Alors, il y a les moyens techniques. Vous faites beaucoup d'essais. Je voulais faire du scope sous l'eau. Donc, tout ça, voilà, ça prend du temps. Et puis après, il faut un peu de chance. Il faut du temps. Il faut des équipes de haut niveau. On a travaillé avec des anciens d'équipes Cousteau, d'ailleurs, pas mal. Mais pardon, comment faites-vous pour plonger dans un spot où on reconnaît bien les grottes, le puits de lumière et le passage, une fois avec énormément de poissons, une autre fois sans poissons, ça fait partie pour des choses, justement l'écologie, le problème d'écologie. C'est tout un symbole, ça fait partie des choses qu'on a dû faire avec des effets spéciaux. D'accord. Parce qu'en fait, vous avez rajouté les poissons ? Voilà. Ce paradis perdu de la Méditerranée, de la post-Seconde Guerre mondiale, n'existe plus. C'est-à-dire que même dans les parcs naturels comme Porquerolles ou les Calanques, il n'y a plus ce qu'il y avait dans les années 40-50 en Méditerranée. Que l'effet spécial soit de retirer les poissons. Malheureusement, au montage, non. Malheureusement, c'est le contraire et c'est très triste. Ouais. Très beau film. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, simplement qu'en fait, dans les réserves, comme elles sont récentes, les poissons sont là, mais ils sont tout petits. Alors en fait, c'est ça. Non, mais c'est un truc idiot, c'est que les poissons sont gros parce qu'ils sont vieux. Et qu'en fait, dans les réserves, qui sont dans l'histoire de l'humanité encore récente, et bien voilà, il n'y a pas énormément de poissons gros. L'entraînement physique, la plongée sous-marine, vous aimiez déjà nager, faire de l'apnée, descendre à 4-5 mètres de profondeur ? Mais j'adorais être au fond des piscines, au fond de l'eau, dans la mer, et personne ne m'avait jamais appris à décompresser au niveau des oreilles, ce qui fait que j'avais mal tout le temps aux oreilles. Et je préférais beaucoup être sous l'eau que sur l'eau, dans la vie toujours d'ailleurs aussi. Et en fait, c'était une libération quand j'ai appris à plonger. Parce que j'ai eu une inquiétude. Je me suis dit, ça va me faire mal. Peut-être ils sont fous de me confier ce film sans vérifier si je peux plonger. Et je pensais que tout allait s'arrêter après la première plongée. Et en fait, ça a été extraordinaire. Il a fallu que vous passiez votre brevet, diplôme, en tout cas dans des scaphandriers professionnels. Dans des conditions qui n'étaient pas, justement, écologiquement très favorables. Je vais me dire que c'était dans le port industriel de Marseille. C'était pas du tout le port industriel de Marseille. C'était à la Pointe-Rouge. C'était à la Pointe-Rouge. Elle était bien dégueulasse. Quand même, parce que c'était c'est là où s'entraînent justement les scaphandriers professionnels. Et en fait, les vrais. Je ne voyais, le premier jour, je ne voyais, voyais pas la palme de mon instructeur à plus d'un mètre. Quand même, c'est un peu bizarre. Et tous les exercices qu'on fait, on retire le masque, etc. On l'a fait avec Pierre Ninet dans une eau vaseuse et huileuse. Enfin, on l'a fait, mais j'ai eu une infection à l'œil le lendemain. Enfin, c'était quand même un peu étrange. Mais on était tellement heureux d'être à moins 5 mètres déjà et de respirer. Respirer sous l'eau. Mais c'est fou de respirer sous l'eau. C'est extraordinaire. Moi, je m'en remets pas, en fait. C'est très simple. Et ça, on le doit à Cousteau. Leïla, quand on vous annonçait la venue de Jérôme Salle et Lambert Wilson, justement, vos oreilles ont sifflé de bonheur. Et oui, et immédiatement, Lambert Wilson, quand je pense à vous, j'entends retentir la voix d'un homme. Peut-être que quand vous serez bien au chaud, avec votre femme et vos gosses, et que vous ouvrirez le journal, et que vous lirez en prenant votre café, qu'on a encore ramassé des hommes, des femmes ou des bébés morts de froid dans les rues de Paris. Parce que nous vous avons demandé ça, et que vous nous l'aurez refusé pour des raisons de procédure administrative, vous serez obligé de vous dire, c'est ma faute. La voix de l'abbé Pierre, dans cet appel de 54. Ouais. Et à chaque fois, que ce soit dans le rôle de l'abbé Pierre, Lambert Wilson, ou celui du commandant Cousteau, je suis très étonnée de votre capacité à vous fondre dans le personnage et à faire oublier Lambert Wilson, et c'est toujours un défi relevé avec succès. C'est drôle, j'ai vu un très joli documentaire hier sur Brigitte Bardot qui s'appelle La Méprise de David Boulle, dans laquelle Brigitte Bardot dit qu'elle ne peut pas aller vers le personnage qu'elle tire, elle ne peut jouer qu'elle-même, qu'elle tire tous les personnages vers elle. Mm-hmm. Moi, ce que j'ai appris, c'est le contraire. En Angleterre, où j'ai fait mes études de théâtre, on m'a appris à aller vers le personnage. Alors ça marche pas toujours, parfois ça marche, j'essaie de me transformer. En tout cas, c'est ce qui me divertit, mm-hmm. et j'ai pour mission aussi de divertir le public en présentant des personnages totalement différents. Les acteurs anglo-saxons... Quel est le plus grand comédien justement? Bah, pour moi c'est dans le genre, il y en a un qui est mort malheureusement, qui était de Philip Seymour Hoffman, mm-hmm. J'adore Meryl Streep, pas toujours Sean Penn, mais qui a fait des choses extraordinaires. J'ai plutôt tendance à considérer que les anglo-saxons sont plus maître de ça. C'est une école très différente. C'est vrai que les acteurs français sont sublimes aussi, mais ils ont tendance à développer le culte de la personnalité. Et justement, à faire ce que décrivait Brigitte Bardot, c'est-à-dire à faire venir le personnage à eux. Ils se racontent en permanence eux-mêmes. Ce qu'on fait aussi, on met de soi dans les personnages, même quand on se transforme. C'est un peu technique ce que je dis, mais... Et donc du coup... Mais on peut comprendre. J'aime... j'aime ça, essayer d'être différent parce que je m'ennuie avec moi-même et aussi parce que c'est une façon de démultiplier la vie quand mmh. on se croise comme ça devant un miroir et on se dit tiens, subitement, j'ai été conquistador par exemple, j'ai été chanteur d'opéra, j'ai été Céline Dion quand même, donc du coup ça, voilà, ma vie est plus riche. Et ça marche parce que justement vous n'avez pas en tant qu'individu une personnalité lisse, vous avez un timbre de voix très particulier, une façon d'articuler aussi qui vous est propre, et je suis à chaque fois fascinée de voir que ça disparaît et que je vois quelqu'un d'autre. Ça t'étonne, quelqu'un qui articule. Non, je trouve ça... Quelqu'un qui articule, ça t'étonne. Non, mais quelqu'un qui articule, non. Mais je suis assez fascinée, en fait. Alors, ça me touche beaucoup. Malheureusement, je ne peux pas pousser le travail de la transformation jusqu'à altérer la voix, ce que j'aimerais vraiment faire, et particulièrement en ce qui concerne Cousteau, qui avait une façon tellement personnelle de parler, une élocution, un rythme. Y a des imitateurs qui le font sublimement bien. Je veux dire que Laurent Gérard, il le fait extraordinairement bien. Je l'ai entendu pas plus tard que ce week-end. C'est très étonnant, cette prosodie de Cousteau. Là, s'arrête mon travail. Je suis pas imitateur. Oui, mais justement, c'est pas tant ça qu'on attend de vous. Ce serait même, je crois, un petit peu curieux de vous attendre sur une imitation de la voix. Mais en tout cas, j'entends votre voix à vous que je connais sans entendre la voix de Lambert Wilson. C'est ce qui me touche. Merci. Et quand je pense à vous, Jérôme Salle, je pense à un roman incroyable, une histoire de vengeance magnifique. En février 1815, à Marseille, le comptable Danglars, jaloux du marin Edmond Dantès, le dénonce comme conspirateur bonapartiste. Le substitut du procureur, Villefort, compromis dans l'affaire, fait jeter Dantès dans un cachot du château d'If. Il y reste 14 années. C'est une histoire de vengeance, c'est le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, que vous aimez beaucoup, je crois. Ouais, c'est mon rêve d'adapter le Comte de Monte Cristo. Ouais. C'est un très grand roman, j'adore, et c'est sur un thème que j'adore, j'ai traité un peu dans Zulu, qui est la vengeance, ouais, et la vacuité de la vengeance. C'est ce qui vous a donné envie d'adapter ce roman de Caryl Ferré? Non, Zulu. C'est la puissance du roman qui m'a donné envie de l'adapter. Après, il se trouve que c'est la même thématique que le Comte de Monte Cristo. Oui. Et que c'est très compliqué d'adapter le Comte de Monte Cristo. Il faut le renouveler, il a été adapté tellement de fois. Mais quelle est votre version préférée? Honnêtement, il y en a pas. C'est pour ça que je pense qu'il y a de l'espace pour en faire une, parce que je peux pas dire que avoir vu un très grand film adapté du Comte de Monte Cristo. Si tu cherches des acteurs, jouer une menotteuse jeune, bien sûr. T'as bien vu que je pouvais faire des âges variés. C'est une démarche que vous avez déjà faite, celle d'aller rencontrer un réalisateur en lui disant j'aimerais travailler avec vous. Alors, il n'a pas fait ça avec moi, je peux vous dire en tout cas. Jamais, rien. C'est vous qui avez dû. Généralement, quand je croise un metteur en scène que j'admire énormément, j'ai plutôt tendance à, dans une salle, dans un festival, etc., j'ai plutôt tendance à traverser la pièce de l'autre côté parce que ça me gêne. Je l'ai vu encore ce week-end à Lyon, au Festival Lumière, les acteurs qui entourent les metteurs en scène pour leur dire j'ai envie d'être, vous êtes merveilleux, j'ai envie de travailler avec vous. Je trouve ça embarrassant. Et en même temps, il faut le faire, parce que si le désir n'est pas formulé, rien ne se passe. C'est ce que j'allais dire, c'est un métier de désir. Il faut que le réalisateur vous désire. En fait, il faut le faire de façon extrêmement subtile et réduite. Moi, je pense qu'il faut le faire comprendre, et puis c'est tout. Et après, il ne faut pas s'apesantir. Ah, nous avons alors soit une alarme incendie, soit un portable qui n'est pas soucié. Ou une CB. Belette qui tousse pour papier de fromage. Ça sent tellement le vécu. Vanne de vieux. Et enfin, Lambert Wilson, quand je pense à vous, je pense à votre appétit, à votre goût pour la musique. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Et je me demande si vous donnez des cours, parce que nous aussi, au sein de cette bande, on a un individu qui pense à une reconversion, non, à des cours de chant. Je vous cache pas qu'il a besoin d'un vrai coup de main. C'est si bon. Oh oui. De partir n'importe où. Oh, et à bicyclette. C'était pendant l'émission. Il le fait à chaque fois maintenant. C'est devenu un grand. C'est un gimmick maintenant. Allez, Nagui. Vous allez nous accompagner en tournée. On part à partir du 24 novembre, moi, pour chanter mon temps. Moi, j'ai besoin de choristes. Prenez-le. Le jour où ta voix est un peu fatiguée, il se met derrière. Non, sûrement pas. Sûrement pas. Mais on a pas le droit de s'amuser ici. Alors, si, d'accord, mais je l'adore, c'est pour ça que donc je sens que j'ai des casseroles, mais ça colle. Parce que j'ai fait Balou en même temps. J'ai l'impression dans l'imitation. C'est à mi-chemin. Il en faut. C'est pas une casserole, c'est un fait tout. Hein. Une couscoussière. Bon, non, mais c'est bien. Mais pour moi, c'était un bon début de semaine. Il y avait un très bon film que je voulais. Non, c'est pas grave. Tout qui aime bien châtie bien, tu sais bien. Ouais, c'est ça. Et qui châtie beaucoup. Aime beaucoup. Jérôme Salle réalise ce film, L'Odyssée, son 5e long métrage. Je voudrais revenir sur le casting parce que Lambert nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Mais sont également excellents Pierre Niné, Audrey Tautou, Laurent Lucas, Benjamin Laverne, dont tu parlais tout à l'heure, de la Comédie Française. Il faut toujours rajouter de la Comédie Française. C'est dans le contrat. C'est dans le contrat. À l'écran. À l'écran, oui. Pour les crédits à l'écran, oui. Sur les génériques, oui, je pense. Et Vincent Hennen qui joue. Et Vincent Hennen qui joue Bébé. Exact. Un casting très, très fort. Vous avez eu du mal à réunir toutes ces personnalités. Non, mais parce qu'en même temps, ils ont chacun des trajectoires extrêmement remplies, bien remplies. Comment réunir ce casting? Alors, non, l'argent, oui, justement, en fait. J'ai eu plus de mal à réunir l'argent que le casting. Je crois qu'on avait tous envie. Enfin, des projets comme ça, il n'y en a pas non plus 50. C'est ça pour nous tous, réalisateurs, acteurs, etc. Donc, on s'est tous battus pour que le projet existe. Donc, est-ce que j'ai eu du mal, en fait, là-dessus, non, sur ce point-là, non. Votre rêve le plus secret, puisqu'on parle de transmission, d'éducation et de nos enfants ou d'une nouvelle génération, vous aimeriez qu'on sorte de ce film en apprenant quoi? Des valeurs de la vie, en apprenant un bout d'histoire du commandant Cousteau, en apprenant ce qu'il faut faire pour respecter notre planète. Quel est l'enseignement qui vous paraîtrait le plus... C'est de sensibiliser les gens les plus... Il y a pas mal d'enfants quand on fait les avant-premières, déjà, ou d'adolescents. Et Cousteau disait un truc assez juste, on protège ce qu'on aime. Et en tout cas, de montrer la planète, de montrer cette nature, et de montrer le parcours aussi de cet homme et de cette famille, de les rendre plus sensibles. Oui, quand je vois en fait les discours des Républicains et de Trump aux États-Unis, je me dis qu'il y a encore du boulot, donc je pense que c'est bien de continuer à enfoncer le clou là-dessus. Et entre les valeurs d'éducation, les valeurs de militantisme, puisqu'il y a quand même... Je parle de Trump aux États-Unis pour être poli, bien sûr. Un discours... il y a un discours politique aussi à la fin du film, et le devoir de mémoire de qui était le commandant Cousteau. Vous aimeriez entendre quoi, Lambert Wilson, comme commentaire ou comme enseignement? Je reprends la discussion qu'on a eu au début de l'émission sur Greenpeace. On a montré le film aux gens de Greenpeace, et en fait... ils le considèrent totalement comme un lanceur d'alerte. Ils aiment beaucoup le film et ça a été, ça m'a ouvert les yeux sur le parcours d'un homme, effectivement, qui est arrivé un peu plus tard vers l'écologie, en tout cas l'écologie militante, et qui a fait un boulot énorme. On rappelle le moratoire sur l'Antarctique, on lui doit. Il est allé voir les chefs d'État et c'était un boulot considérable qu'il a accompli jusqu'en 2048. C'est grâce à lui que l'Antarctique est intouchée. Et que ce moratoire est menacé, comme le rappelle le film. Il est menacé. Alors est-ce qu'il le sera avant 2048, c'est un petit peu improbable, mais en tout cas tout le monde veut s'emparer des richesses de l'Antarctique. Il est sous pression. Plus la crise économique est grande, plus la pression bien sûr est grande pour exploiter les ressources de l'Antarctique. Alors je pense que c'est extraordinaire ce qu'il a accompli. Malheureusement, il n'a pas été entendu, car finalement tout était écrit. Il a écrit ce qu'il dit sur la surpêche, sur l'industrialisation, sur le plastique, sur le réchauffement planétaire, c'est dans son bouquin. Il en a parlé, mais il y a 30 ans. Malheureusement, les chiffres sont pires. Ce qui m'a plu... Ça veut dire quoi, que son discours n'a servi à rien? Il a servi jusqu'à un certain point, et puis il était tellement charismatique qu'il était entendu. Mais le problème, c'est que depuis qu'il n'est plus parmi nous, qui sont les lanceurs d'alerte aussi charismatiques que lui, qui peuvent être entendus par les... mais de point de vue international, il avait un des hommes les plus connus en 70 sur la planète, je veux dire, pour les Américains. Et donc, c'est ça qui m'inquiète. D'ailleurs, moi, j'ai appris dans le film que c'était plutôt la télévision américaine qui produisait... Bien sûr, ce qui l'a rendu célèbre dans le monde entier, c'est ABC. Ce qui est formidable, c'est qu'avec la sortie du film, on a rencontré des associations qui travaillent pour la protection des océans. Car les océans, l'océan, c'est vraiment le problème sur la planète, parce que c'est le poumon de la planète, au même titre que les forêts. Mais si l'océan n'est pas sauvé, vraiment, ça va être très, très, très, très difficile pour l'humanité. Et donc, il y a des associations comme Surf Riders, Green Cross, l'UNESCO fait aussi beaucoup pour les océans. Et je les ai rencontrés, ils sont présents, ils sont actifs, ils ne baissent pas les bras. Et ça, c'est formidable. Il y a vraiment des... Vous n'avez toujours pas dit ce que vous voulez qu'on retienne de ce film. Ce qu'on retienne, c'est que ça a été... Le discours militant. Le discours militant d'un lanceur d'alerte avant la mode, et aussi un père qu'on dit dur et injuste dans le film. Moi qui ai eu le même genre de père, ce sont des pères qui nous ont donné l'essentiel, c'est-à-dire qui nous ont donné le sens de la liberté, du dépassement de soi-même, de la beauté de l'univers, une philosophie, et que le reste, c'est du détail. La dureté, la critique, l'écrasement, finalement, c'est le boulot des fils de faire avec et de résoudre ce problème-là. L'essentiel, c'est la philosophie qu'ils nous ont donnée. Et d'entendre un peu moins souvent « je t'aime ». Mais ils le disent, et ils l'ont dit, et je pense que dans l'histoire entre Philippe Cadet Jean-Michel Philippe Cousteau Junior, Philippe et le commandant Cousteau, c'est une histoire d'amour et qui se dit finalement. Voilà. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant chez Cousteau aussi par rapport à l'époque qu'on vit, c'est cet appétit d'avenir et de futur. C'est à une époque où on a l'impression qu'on a tous peur et qu'on essaie de conserver, de rendre les choses immobiles, qu'on a peur de l'avenir. C'est quelqu'un qui n'avait aucune nostalgie et qui était tourné vers l'avenir. Et ça, c'est passionnant. Il n'avait pas peur, en fait, de ce qui allait arriver. Ce mercredi, ce très bon film qui s'appelle L'Odyssée sortira donc sur vos écrans. Allez le voir, vraiment, vous allez vous régaler. Voici La Bonne Humeur de Morane Bellamy. Perso, quand on me dit commandant Cousteau, je suis immédiatement replongée dans mon enfance. Cousteau, replongée. Non, pas du tout, pardon. Ah, merci, je l'attendais. Bah, tout le monde y a eu droit, donc... la réalité, j'avoue, c'est que je connais très peu de choses sur le commandant Cousteau, au point que de mes 4 ans à mes 9 ans, j'étais persuadée que lui et Charlie, Doux et Charlie, étaient la même personne. Donc, c'est pour vous dire. Ah bon? Et je pensais. La quand on est petit, parfois. Charlie Oui, Charlie. Il existait. Ouais. Bien sûr, il existait quand on était petit. Bref, on n'est pas là. Et les seuls fonds. Vous êtes surtout à l'antenne, c'est intéressant. Vous passez votre temps à discuter, on peut nous aussi. Et les seuls fonds marins que j'avais explorés sont ceux de l'aquarium de ma tortue quand j'avais 12 ans. Mais bref, ça m'a pas empêché d'avoir envie de vivre ma propre expérience aquatique ce week-end. Le seul souci, c'est qu'habitant Paris, les choix étaient assez réduits. C'est donc comme ça que j'ai fini par passer mon samedi à la piscine municipale de mon quartier. Alors bon, j'avoue, c'était plus pour combattre ma peau d'orange que pour explorer les fonds marins. On va pas se mentir. Les fonds marins d'une piscine publique, à moins d'être passionné de champignons, je vois pas trop l'intérêt, tu vois. Sur le chemin, je croise une copine qui habite dans mon quartier. Elle me propose qu'on prenne un café. Donc moi, je lui dis, je peux pas, j'ai piscine. Et là, elle se marre, et elle me me dit, t'es con, moi j'ai poney. Je lui dis, non, mais moi j'ai vraiment piscine, en fait. Donc les gens qui disent, je peux pas, j'ai piscine, ou je peux pas, j'ai poney, j'aimerais juste qu'ils se taisent à jamais, en fait. Donc j'arrive à la piscine, enfin dans le hall, et c'est fou, à partir du moment où tu franchis les portes d'une piscine municipale, t'as vraiment l'impression d'intégrer un nouveau monde, avec son propre climat, son propre écosystème. Il fait chaud, il fait humide, ça pue la javel. Tu sais pas trop si t'es dans un hammam, dans tes chiottes, ou dans un truc entre les deux, mais non, c'est très particulier. Là, direct, cette odeur, cette atmosphère, comme Cousteau, ça me ramène à des vieux souvenirs d'enfance, comme par exemple le premier connard de ta vie qui te traite de planche à pain alors que ça va, t'as 9 ans, quoi, d'où t'es supposé avoir des seins, quoi. Et puis, pardon, mais on n'insulte pas une meuf sur sa poitrine, et surtout, on n'insulte pas une meuf sur sa poitrine quand on porte un moule bite Arena, et surtout quand ça moule rien, en fait. Tu vois. Bref, là, Là, tu penses à quelqu'un de précis. Bah hein. Ouais, à tous okay, les enfants d'accord. De ma classe à 9 ans, quoi. Bref, là, une meuf de l'accueil aussi aimable que la dame de la cantine me demande de retirer mes chaussures pour passer dans le pédiluve. Alors, le pédiluve, ça aussi, l'invention la plus absurde et la plus sale au monde, un bain qui est supposé servir à te laver les pieds, mais dans lequel tous les gens de la piscine municipale sont passés, quoi. C'est un peu comme si on te proposait à 100 personnes de cracher dans un verre pour t'en faire un bain de bouche. C'est dégueu, ça n'a pas de sens. Ça doit être rempli de mycose, c'est vrai. Ah bah c'est ignoble un pédiluve. Ouais. Bref, après avoir passé le pédiluve sur la pointe des pieds en essayant de conjurer le sort dans ma tête, faites que j'attrape pas de verrues plantaires, faites que j'attrape pas de verrues plantaires, j'arrive au vestiaire. Alors là, pour le truc qui est cool dans la piscine municipale de mon quartier, c'est que dans les vestiaires, on a chacun une cabine avec une petite douche. Sauf que va savoir pourquoi, t'as toujours une meuf qui a pas du tout envie de se doucher dans la cabine et qui décide de faire sa toilette au gant, tranquille, devant tout le monde. Alors, ça faudra qu'on m'explique aussi. Ah bah quoi, normal, il se dit Daniel. On est d'accord, nous. Hein ouais, faut bien que quelqu'un vous mate une fois par semaine. Bon. De mon côté, j'enfile mon bonnet de bain qui clairement me fait une tête de bite, surtout que comme une conne, je sais pas pourquoi, par coquetterie, je le choisis rose pâle. Et là, je m'étais dit, c'est un peu cool, c'est un peu girly. À un moment, je croise mon reflet dans la glace et je sursaute. En fait, j'ai pas l'air d'une bite, j'ai juste l'air chauve. Et la calvitie, clairement, ça ne me va pas. J'ai juste l'air chaud avec un lifting raté du front, tu vois. En gros, si j'ai envie de savoir à quoi je vais ressembler dans 50 ans, j'ai la réponse. Là, avec ma dégaine de merde... je compte m'injecter des trucs. Là, avec ma dégaine de merde, je traverse le long couloir qui mène à la piscine et c'est marrant parce que je ressens exactement la même angoisse que quand j'avais 12 ans, sauf que là, personne m'a forcé à venir ici, donc je ne comprends pas ce que je fous là. Ça me rappelle tous les mercredis matins de la 6e B à la 3e mois où j'ai fait croire que j'étais indisposée. Ouais, je fais partie de ces meufs qui, à cause du sport, de la piscine, de l'athlétisme, avaient leurs règles une fois par semaine, en fait. Donc j'arrive enfin au niveau du grand bain et là c'est vraiment la foire de la déprime, quoi. Des gens en speedo, des vieux accrochés à des planches, des gens qui font semblant de savoir nager le crawl. Je crois que les pires c'est ceux qui restent sur des petits transats au bord de la piscine. Je veux dire, on est dans une piscine municipale couverte, il y a pas de soleil, t'as pas la mer, t'as rien, ça pue le chlore. À part mater les gens comme un gros vicelard, qu'est-ce que tu peux bien foutre ici, quoi. Là je marche vite vers la piscine, enfin vite, en essayant de pas glisser. En gros je marche à 2 à l'heure, sauf que j'ai froid, que je suis pressée, que je suis complexée par ma dégaine. À côté de ça, la démarche au ski c'est rien, tu vois. J'arrive au niveau de la petite échelle métallique, sauf qu'elle me dégoûte tellement que du coup je me dis bon bah je vais plonger direct, sauf qu'évidemment je fais un plat. C'est là qu'un gars dans l'eau me gueule dessus, oh attention aux éclaboussures. Non mais le mec est déjà mouillé, qu'est-ce que ça peut lui foutre d'être éclaboussé, quoi. Le gars qui se plaint des éclaboussures dans l'eau, c'est vraiment le connard de la piscine, c'est lui. Et le gars qui décide de faire du dos crawlé aussi et qui arrive pas. Ah mais le gars qui fait le gros, ah, là, moi systématiquement il me loupe pas, donc là il m'a pas loupé, je me prends une gifle en pleine gueule. Résultat, je bois la tasse et là je commence à bader sévère. J'ai des mots qui tournent dans ma tête, pisse verrue mycose, pisse verrue mycose. Je suis tellement dégoûtée, je sais pas si c'est le choc ou l'eau que je viens d'avaler, mais je commence à avoir un malaise, je viens une sorte de délire paranoïaque, j'ai des flashs dans ma tête. À un moment, j'ai cette pub là qui arrive dans ma tête, je sais pas si vous voyez cette pub où un espèce de monstre entre comme ça dans un ongle et dit « Je suis le champignon !» Enfin, bon, c'est hyper mal. Immonde. Heureusement, je retrouve mes esprits grâce à un gamin de 7 ans qui décide de faire une bombe à côté de moi. Et là, je me surprends à lui dire « Eh oh, attention aux éclaboussures !» Là, bref, c'est moi la conne, quoi. Hyper saoulée, je décide de faire demi-tour direction les vestiaires. J'en ai marre, j'ai un cocard, j'ai froid, j'ai une tête de bite. Et le pire, c'est que la meuf qui faisait sa toilette au gant est toujours en train de se laver. Bref, la prochaine fois qu'une copine me proposera un café, là, c'est sûr, je lui répondrai « Je peux pas, j'ai poney. » La bande originale justement de Lambert Wilson et Jérôme Salle. On a demandé, et c'est surtout Jérôme d'ailleurs qui nous a donné les musiques qu'il a écoutées. En 2000, Jérôme Salle écoutait les Rolling Stones. Classique. Wild Horses des Rolling Stones, c'est la BO de votre vie, c'est-à-dire que quand vous entendez cette musique, vous vous revoyez en train de faire votre premier court-métrage ? Oui, en fait j'écoutais ça en boucle pendant les repérages de mon premier court-métrage. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est ça que j'ai en tête. Le jour de grâce. Le jour de grâce, absolument, dans les plaines de l'Est français, oui. Camp militaire. Après, j'ai compris qu'il fallait que je tourne dans des lieux plus hospitaliers. Vous avez toujours été attiré par l'image. Vous étiez photographe de presse. Oui, j'ai commencé comme ça. J'ai arrêté l'école très tôt et j'ai rêvé de faire de la photo de presse. J'ai fait ça quand j'avais 16 ans, ouais. Et c'est le... Mais je gagnais pas ma vie, donc après j'ai fait autre chose. Le point commun entre photographe et réalisateur, c'est le travail sur la lumière, la couleur, le grain de l'image. Bah, tout le travail que j'ai fait en tant que photographe puis directeur artistique, ça m'a donné, oui, une sorte de savoir-faire, en tout cas sur le travail sur l'image, oui, bien sûr. Ouais. Dans cette période-là, Lambert, vous jouez dans Jet Set de Fabien, pardon, Antoniente, et vous, après avoir tourné, on connaît la chanson, ce qui était le Une case de décompression, c'est ça, oui. Non, un virage, parce que c'est un virage vers la comédie, parce que c'est René qui m'a proposé le premier rôle d'autodérision, le minet, le séducteur, dont on se moque. Et ça m'a permis de faire sortir mon clown interne, et ça m'a aidé énormément. Parce que c'est génial, la comédie, j'adore faire ça. Et c'est vrai que c'est inattendu que ce soit René qui m'a proposé de faire ça. Et Jet Set, c'était... oui, moi je considère qu'on a à peu près 7 ou 8 grands rôles en soi, et après ce sont des variations sur ces 7 catégories. Et il y a une sorte de maître... C'est déjà beaucoup, 7 grands rôles pour faire des variations. Ouais, mais moi j'ai le moine curé, j'ai le maître d'hôtel snob, etc. J'ai, voilà, il y a des choses, comme ça. Il vous en manque un parmi les 7, hein, J'aurais pas fait encore. Il faudrait. Et non, oui, absolument. Il y a Monte Cristo. Non, il y a opportuniste. Moi, je voudrais faire des rôles de paysan, d'agriculteur. J'ai lu ça. Je voudrais faire des rôles rustiques parce que les gens m'imaginent toujours soit citadin, soit alors élevé dans la soie et la flanelle. Mais en fait, je suis beaucoup plus un homme de la terre, de la campagne. Et je voudrais faire un rôle comme par exemple Michel Blanc avait fait sur son tracteur dans Je trouve très beau. J'aimerais bien faire ça. Après l'Odyssée, faire un rôle de terre, oui, ça serait bien, ça serait complémentaire. En 2005, Jérôme Salle écoute. 2005 ? Il écoute ça, ouais. Ah oui, en reprise, oui. Oui, c'est la version Robbie Williams avec Nicole Kidman. Exactement. C'est vrai. Exactement. Et moi, mes musiques, on les écoute pas. Bah toi, t'as rien dit, t'as pas répondu. On les a pas vus. Je pense que vous n'avez pas répondu, Lambert. Ah, on a attaché de presse qui, voilà. Ah bah, elle va être contente. Voilà, on met tout sur le dos de l'attaché de presse. Mais non, mais je l'ai envoyé. On est en 2016 sur les technologies modernes, pardon. Non, mais sinon, dites-nous ce que vous écoutiez comme ça. Je me suis vraiment. Vous écoutiez quoi ? Moi, j'écoutais en 2000, j'écoutais Sex Bomb de Tom Jones. Et puis en 2005, j'écoutais You're Beautiful. James Blunt. Voilà. Ah ouais, elle m'a déprime, moi, cette chanson fondamentalement démonée. Détruite. Non, non, mais moi, c'est une équipe. Sur Robbie Williams, vous co-signez le thriller Trouble, c'est ça ? Trouble. Ah, Trouble, oui. C'est un réalisateur belge, donc je dirais plutôt Trouble. J'arrive pas à faire l'accent belge. Benoît Magimel. Et vous réalisez votre premier long métrage, Anthony Zimmer, avec où là aussi, l'eau, la plage et la mer a un rôle extrêmement important dans une scène culte du cinéma français pour les fans de Sophie Marceau, dont je, avec Yvan Attal. Et, la scène du ponton ? Oui. Bien sûr. Allez, c'est un moment d'émotion pour nous tous. Oui, je comprends. Mais moi, j'étais sur le plateau, j'avais un avantage sur vous. Oui, je sais, je comprends, je me déteste moi-même. Et puis, il a les rushs. Que je vends. Ça, c'était, sur eBay. C'était votre premier long, Anthony Zimmer, et avec une chance de réunir un tel casting. Yvan Attal, Sophie Marceau. Oui, mais moi je me souviens toujours, c'est pour l'anecdote, en fait, mon agent un jour m'appelle, je rentre de vacances, elle me dit « Bon, j'ai une très bonne nouvelle, Sophie adore le scénario ». Et en fait, je ne savais même pas qui l'avait lu, donc j'ai dit « Sophie, ça va être son assistante, la nouvelle assistante s'appelle Sophie, qui est cette Sophie ?» Et j'ai mis très longtemps avant de comprendre que c'est Sophie Marceau. Sans blaguer. Oui, c'est vrai. Oui, je ne savais même pas qu'elle avait lu le scénario, en fait. Mais comment le scénario a pu lui être proposé sans que vous... Parce qu'on était dans la même agence qui était Armédia, et je pense que c'est comme ça qu'elle avait récupéré le scénario. J'imagine. D'accord. Un conte de fées, vous voyez. En 2000, ouais, non, c'est une belle histoire. Dans cette période-là, Lambert, vous êtes sur scène dans Candide, au Théâtre du Châtelet. ouais. également à la Scala. Est-ce, qu'il y a, est-ce que les lieux, les adresses, les théâtres ont une importance essentielle dans la manière d'interprétation? Bah, imaginez jouer quelque chose à la Scala de Milan. Je n'ai pas été sorti. Je ne peux pas imaginer, ça ne m'arrivera jamais. Mais qu'est-ce que ça vous chantez, fait à vous? Vous pourriez chanter, vous, à la Scala de Milan. C'est en préparation. Bah, en fait, curieusement, je ne devrais pas le dire devant Jérôme, qui est metteur en scène de cinéma, mais pour moi, mon plus beau titre de gloire, vraiment, de tout ces 40 ans presque de travail, c'était d'avoir chanté le rôle de Voltaire et du professeur Pangloss dans Candide de Bernstein à la Scala de Milan. C'est un souvenir complètement fou. Et le lieu était tellement beau et c'est précédé d'une telle réputation. C'est pas pesant, justement. C'est tellement pesant. En plus, il fallait faire en italien et en anglais. Enfin, c'était un peu compliqué, mais voilà. Il y a des moments... C'est comme aussi dans le tournage de Cousteau. Il y a des moments comme ça dans la vie d'acteur où on se dit... C'est pas demain, c'était pas hier, c'est juste maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Et à ce moment-là, Lambert Wilson, écoutez. You're beautiful. Joli. En plus, qui se prépare à jouer un rôle d'agriculteur très bientôt au cinéma, parce que c'est L'amour est dans le pré. Avec cette bonne Karine. Avec ses interviews politiques. Ouais, et qui a interviewé encore du bourrin hier. Politique, avec des guillemets. Bref. Voilà. Tu veux dire quelque chose, Nagui? Non, à part bonjour à Yves Pacalé, qui est notre invité. Merci. Bonjour, oui. De venir à ce micro. Alors, Yves, vous êtes écrivain, journaliste, philosophe, naturaliste. Oui. Vous avez surtout de 72 à 90. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé de venir à ce micro, participer aux expéditions du commandant Cousteau. Vous avez publié de nombreux ouvrages en collaboration avec l'océanographe. Vous avez lancé en 81 avec lui la fondation Cousteau. Vous êtes... extrêmement impliqué dans la vie du commandant. Vous avez pu voir l'Odyssée ? Oui, bien sûr, j'ai vu ça, c'est un film magnifique, c'est un film d'émotion, c'est un film qui restitue la dramaturgie qu'on a pu vivre, nous, à bord d'un Calypso et en dehors. Mais c'est vrai que c'est pour moi une aventure extraordinaire. Alors, j'ai écouté la chronique de tout à l'heure sur Cousteau qui emmerde des poissons. Bon, c'est un... C'est un thème que j'ai entendu pour la première fois, je crois, quand j'ai commencé avec Cousteau en 72, parce que voilà. il faut savoir que ça ressort, c'est un peu comme le monstre du Loch Ness qui de temps en temps ressort le nez. Alors c'est vrai que dans Le Monde du Silence, Cousteau a monté 4 séquences, dont une où il y a la pêche et la dynamite, une autre on a mime les requins, et puis ça reste comme ça. Il faut savoir qu'à l'époque où Cousteau a tourné ça, dans les années 54-55, les océanographes étaient encore des océanographes du 19e siècle. Quand on voulait savoir ce que mangeait un requin, on ouvrait le ventre du requin. Quand on voulait savoir ce que mangeait un dauphin, on attrapait le dauphin, on le harponnait, on le tuait, on ouvrait le ventre, on regardait ce qu'il y avait dans l'estomac. Ben oui. Bon, c'était ça. Et pour savoir ce qu'il y avait sur les gencives de coraux, on faisait péter. Comme la dissection au collège. Dites-moi maintenant si vous voulez savoir ce que je mange. Je préfère vous le dire, franchement. Alors voilà. Et moi, les années que j'ai passées avec Cousteau, ça a été sans arrêt le contraire. On a démontré qu'il fallait protéger toute cette faune, toute cette flore, tous ces océans indispensables. On s'est battu pour l'Antarctique. En effet, on s'est bagarré comme des chiens avec l'aide de Michel Rocard. On a réussi à faire protéger encore l'Antarctique pour 50 ans. Mais tout ça, c'est tellement fragile. Et simplement réduire Cousteau à ce petit... D'ailleurs, des producteurs américains lui avaient proposé, dans Le Monde du Silence, de remplacer ces 4 séquences douteuses par des séquences belles, avec des belles baleines, des beaux dauphins, des beaux... Et il a toujours refusé. Il m'avait demandé mon avis et je lui avais dit mon avis qui est le suivant. Si on enlève ces séquences tournées à l'époque... Eh bien, c'est exactement la même histoire que pendant la période soviétique, les staliniens qui gommaient sur les photos des anciens congrès du Parti communiste, des gens qui les gênaient. Et donc, il ne faut pas construire l'histoire un peu d'anachronisme. Alors justement, pour ce qui est de l'histoire, on ne va pas refaire l'histoire, et le film reflète, je pense, extrêmement bien tout ce qui a pu se passer, et surtout moi, je voudrais revenir, parce que c'est vraiment ce qui m'a touché, c'est la première chose que je vous ai dite, sur les rapports humains. C'est vrai qu'il y a une toile de fond qui est formidable, c'est l'œuvre du commandant Cousteau et de tous ceux qui étaient comme vous à bord de la Calypso, mais c'est surtout les rapports humains qui m'ont bouleversé dans ce film. Le papa que vous voyez dans le film, c'est le papa que vous connaissiez. C'est le papa avec toutes ses ambiguïtés. Oui, Cousteau était essentiellement un séducteur. Et il séduisait les hommes, il séduisait les femmes. Il a séduit tous ses collaborateurs. Oui, oui. Il nous embarquait dans les rêves qu'on pouvait avoir. Quand il pensait qu'on pouvait aider à la réalisation de ses grands buts à lui, eh bien, il nous embarquait avec lui, on partait. Et je connais personne. On a fait encore récemment un repas supplémentaire des anciens de la Calypso. Évidemment, il y en a de moins en moins, mais bon, c'est comme ça. C'est la, tout le monde, maintenant comme avant, même ceux qui se sont fait virer parfois quand Cousteau avait plus de pognon et qu'il fallait virer toute une équipe un peu mal, de façon malpropre, ça peut arriver aussi, ça a pu arriver, eh bien, continuent à dire que pour rien au monde, ils n'échangeraient le moment qu'ils ont passé avec Cousteau contre quoi que ce soit d'autre dans leur vie. Non, mais pardon Yves, juste pour être clair, donc c'est un homme qui était un séducteur. Homme qui femme qui aimait les femmes. Voilà. Oui, alors ça, j'étais pas. C'était un homme curieux. C'est la curiosité qui m'a donné. C'est la curiosité. Alors, effectivement, oui, oui. Là. Alors il y a ce côté-là qui est. Qui est non, parce qui que était... Audrey Tautou joue le rôle de son épouse et elle est absolument bouleversante. Parce qu'elle l'aime, parce qu'elle a financé de ses deniers personnels la Calypso. On voit qu'elle est totalement impliquée, mais aussi totalement abandonnée et rejetée. C'est à la fois une maman et une femme. Non, parce que je trouve que la décrire comme abandonnée, c'est la réduire en tant que femme. Je crois que c'est une femme de son époque, comme Cousteau était un homme de son époque, et que malheureusement, elle avait des rêves qu'en tant que femme, elle ne pouvait pas atteindre à l'époque. D'accord. Aujourd'hui, elle aurait une vie totalement différente. D'accord. Son choix, c'est d'être marin. Et à un moment, lui, son choix, c'est de continuer à parcourir le monde, de faire des interviews, d'aller recueillir de l'argent, vivre toutes ses aventures. Elle voulait vivre à bord du bateau. Donc en fait, je pense qu'il y a un vrai choix. C'est une femme plus forte que celle que vous décrivez, c'est ça que je veux dire. Non, c'était elle qui, à bord, réglait l'organisation générale du bateau. Cousteau disait, on va faire un film sur les baleines, on va faire un film sur les requins, etc. Et à bord, il y avait intérêt à être bien avec la bergère, puisque c'est le nom que tout le monde donnait. Parce que si on était très bien avec elle, on avait une bonne cabine à l'air pur, on respirait correctement. Si on était mal avec elle, on avait la cabine qui était située à côté de la salle des machines et on respirait des odeurs de mazout pendant toute la nuit. Non, mais c'est vrai qu'elle a vraiment voulu vivre sur la Calypso. Elle disait qu'elle était la seule femme de marin qui attendait son mari à bord, ce qui était parfaitement vrai à l'époque. Et, parce que lui, on faisait partie, nous, des ce qu'on appelait les touristes à bord. On venait de temps en temps quand il y avait les baleines, quand il y avait les requins. Mais ceux qui faisaient des grandes missions de 4 mois, 6 mois, eux étaient les vrais marins de la Calypso. Mais elle était la seule femme ? Toujours. Elle demandait à régner en maître, on va dire. Elle n'aimait pas beaucoup qu'il y ait d'autres femmes. Elle était la consolatrice, elle était la mise tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de la société Cousteau? C'est pas vraiment à moi de répondre, puisque moi j'en suis parti en 90, parce que j'en avais marre d'être le bras droit du commandant Cousteau. J'avais plein de livres à écrire. Bon, j'ai été le bras droit, un des bras droits d'ailleurs. Falco, dont on republie les mémoires, était l'autre bras droit, celui qui était le chef plongeur et ensuite le capitaine de la Calypso. Il reste de la Calypso, pour le moment, un bateau qui a pourri pendant 10 ans dans le port de La Rochelle, qui a ensuite passé plusieurs années dans un chantier naval de Concorneau coupé en 3 morceaux, et qui maintenant serait en réparation, et enfin est en réparation, mais on ne sait pas jusqu'à quel point elle sera réparée, dans un chantier naval en Turquie. Je ne sais pas s'il pourra renaviguer, en tout cas il ne renaviguera pas jusqu'en Antarctique, ni jusqu'en Nouvelle-Zélande, ni jusque dans les îles merveilleuses de l'Insulane. Tout ça, c'est ce que justement la Calypso a pu vivre. Moi je voulais juste, il y a aussi un côté du commandant Cousteau, de sa passion que l'on n'a pas encore évoquée, sa passion pour l'air, pour voler, pour l'aviation, passion partagée avec son fils Philippe. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on ne va pas tout dévoiler, mais qui ne pouvait pas voler et retrouver ce sentiment d'apesanteur ou d'oiseau au fond des océans. C'est vrai que dans le film, Jérôme a très très bien traduit ce rapport-là entre Philippe, le deuxième fils, l'héritier désigné, et le père Cousteau. Cousteau voulait en effet être pilote. Il avait essayé d'entrer dans. Et puis en allant retrouver la bergère qui n'était pas encore sa femme, il a eu un accident de la route extrêmement grave et il a pas pu faire cette carrière d'aviateur. Il disait toujours qu'il se retrouvait dans son fils, et quand son fils était aux commandes de son hydravion, Cousteau était lui aussi, en quelque sorte, par délégation, l'homme qui pouvait voler. Vous co-signez avec Albert Falco, donc, Capitaine de la Calypso, l'Odyssée, c'est publié ou republié. Republié, j'ai fait une postface. Chez Arto, parce que Albert Falco nous a malheureusement quittés en 2012. Là, Falco, c'était l'âme de la Calypso avec la bergère, c'est les deux qui ont passé plus de temps Bébert. Le fameux Bébert qui est dans le film et qui a un rôle clé aussi dans le film. Merci d'avoir pris le temps de venir. Un marin, un plongeur, un homme extraordinaire, oui. Merci Yves Pacalé d'avoir pris le temps de venir apporter, s'il en était besoin, cette espèce de caution. Mais c'est là où on voit que le film est absolument formidable, parce que c'est un spectacle. Pour ceux qui ne connaissent rien de l'histoire du commandant Cousteau, ils peuvent le voir avec un naturel et une fraîcheur d'esprit. Et pour ceux qui l'ont vécu, retrouver les rapports humains qui ont réellement fait que cette histoire est encore plus forte qu'une simple histoire de quelqu'un qui s'est mis à défendre la planète à la fin de sa vie. Mais c'est une histoire de papa, c'est une histoire de couple, une histoire d'amour et une histoire de passion. En tout cas, vous nous faites partager cette passion, Jérôme Salle et Lambert Wilson, Pierre Ninet, Audrey Tautou. Merci Yves. On a un autre spécialiste de la question, c'est Daniel Morin. Oui, parce que la question que l'on peut se poser aussi quand on sort du film de l'Odyssée, c'est: que peut-on faire au quotidien pour sauver notre planète ? Oh nom de Dieu ! Quoi ? Dès le début de semaine, une intervention de génie. Quelle question brillante, bordel de merde, sublime remarque, interrogation lumineuse, mais simplement fausse. Oui ? Non, tout à l'heure. La question, la seule question qui vaille est: comment profiter en la consommant jusqu'au trognon de cette bonne vieille planète toute pourrie qui est la nôtre ? Mais oui, Nagui, arrêtez de faire votre Mélanie Laurent, là. Oui, il faut faire quelque chose, il faut rendre la planète plus belle pour nos enfants, stop à l'égoïsme. On s'en fout de nos gosses, merde, à la fin. Et en plus, je vais vous dire une bonne chose, monsieur Guy. Faire sauter la planète, c'est pour moi un acte d'amour pour les générations futures. Mais oui, une bonne fin du monde leur évitera les efforts et la désillusion surtout d'essayer de la sauver. C'est foutu. Autant se le dire et en profiter avant que ça pète. Consommons à l'excès, bouffe, alcool, sexe, drogue à fond tout le temps et tant pis si ça entraîne la gêne, la douleur ou bien la mort de ceux qu'on croise. Le jour où ça va péter, ils auront l'air cons tous ceux qui ont arrêté de manger de la viande, qui prennent plus de douche et qui se coupent le chauffage pour sauver le monde. Merde ! Au milieu des décombres, moi je leur dirais: et alors, ils sont où les ours blancs en équilibre sur la banquise que t'essayes de sauver depuis 20 ans ? Hein ? Tout ça en puant sous les bras. Ah, ils sont où les ours ? Eh ben moi, j'ai mangé un steak de phoque hier soir et des sushis de dauphin. Et tu sais quoi ? C'était génial. On a pour combien de temps, monsieur Guy ? 10, 20, 30 ans maximum. Alors on kiffe et on arrête de se flageller pour sauver une planète. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre, la planète, de nous ? D'accord ? Donc on s'en fout d'elle. Une fois de plus, mon bon monsieur Guy, je suis désolé. Mais vous avez dit... N'importe quoi. Merci. Et voici Madonna avec Hollywood, histoire d'avoir un tout petit peu de musique dans ce monde brut. Le monde du silence et musique, je sais pas si ça va ensemble, en tout cas dans la BO, oui. Shine your light now. This time it's got to be. Madonna avec Hollywood sur Inter dans la bande originale. Nos invités sont Jérôme Salle et Lambert Wilson pour le très bon film L'Odyssée qui sort ce mercredi. Et ils sont encore nos invités jusqu'à midi et demi. Je vais isoler mon grenier avec Isovert. Comme ça, je vais faire des économies sur ma facture de chauffage. Jusque-là, tout est garanti. Jusqu'à 30%. Aussi garanti. Et quand je dis 30%, c'est juste en isolant mon grenier. Encore garanti. Du coup, je vais pouvoir financer un film sur ma vie en 3D. Ah, ça, pas garanti. En 2D. N'insistez pas. En noir et blanc. Chut. Avec Isovert, l'isolation, c'est garanti. Le reste, on vous laisse l'imaginer. Isovert, l'isolation thermique et acoustique. Isovert est une marque de Saint-Gobain. Plus d'informations sur isovert.fr. Label Rouge. Il faut que je vous dise, je suis label rougien. Tout va bien. C'est juste que j'adore les viandes label rouge. Être label rougien, c'est vouloir le meilleur. Cette côte de bœuf, par exemple. Ce persillé, cette tendreté, cette saveur, ça donne envie de goûter, non? En même temps, vous savez, il n'y a pas de secret. Les professionnels s'engagent à produire des viandes de première qualité et en plus, elles sont goûtées et préférées par les consommateurs, comme vous et moi. Vous aussi devenez label rougien. Avec le concours de l'Union Européenne. Mamie, je peux pas te parler là, je suis chez un pote. Mais moi aussi, je suis avec une pote. Et Nicole, regarde sur ma tablette ardoise, il est pas beau mon petit-fils. Eh ben fais coucou à Nicole mon lapin. Coucou Nicole. Regarde, on a retrouvé des photos de toi dans ton bain. Non. Pour tous ceux que le numérique intéresse, mais qui attendaient que le numérique s'intéresse à eux, La Poste vous propose de découvrir Ardoise, la tablette pensée pour les seniors. Dans votre bureau de poste ou sur ardoise.com. Allez, on le rappelle. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Daybreaks. Le nouvel album de Norah Jones. Entre jazz et pop, la divine icône fait un retour aux sources. Norah Jones sera en tournée dans toute la France et en concert à Paris le 15 novembre à la salle Playel et le 21 novembre à l'Olympia. Retrouvez Daybreaks de Norah Jones dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr. Vous êtes bien sur Inter et les midi. Les informations, Dominique Delaroy. Et tout d'abord, le Nobel d'économie, il vient d'être décerné à l'américano-britannique Oliver Hart et au finlandais Bengt Holmström. Plus d'explications dans le journal de 13h. Pronostic vital engagé pour l'un des quatre policiers de Viry-Châtillon dans l'Essonne après l'agression au cocktail Molotov par une quinzaine de jeunes près de la cité de la Grande Borne. Jean-Marie Villain, maire UDI de Viry-Châtillon, a tenu à rendre hommage aux forces de l'ordre. C'était ce matin chez nos confrères de France Bleu à Paris. Ce que l'on peut noter, c'est surtout tout le professionnalisme de ces policiers qui n'ont pas sorti leurs armes, peut-être parce que justement leur volonté, c'est surtout de sécuriser le quartier, pas de tuer, comme ces assassins qui sont venus délibérément pour tenter de les tuer. Les policiers n'étaient pas là pour protéger la caméra, ils sont là pour protéger le quartier. C'est un quartier qui est compliqué. Cela fait maintenant une vingtaine d'années que l'on sait que des trafics de drogue, de tous les stupéfiants possibles et imaginables ont lieu à la Grande Borne. Cela fait des années que peu de choses sont faites dans la réalité. Lorsque je suis arrivé il y a 2 ans et demi, j'avais pris des engagements vis-à-vis de la police municipale, je les ai tenus. J'ai mis cette caméra en plein accord justement avec la police nationale et les policiers étaient là, eux aussi, pour surveiller les attaques sur cette caméra, mais ils sont là essentiellement pour protéger le quartier et les habitants. Et les auteurs de ces violences insupportables seront appréhendés et jugés sévèrement, a promis Manuel Valls, qui a fait ce matin la tournée des commissariats du département. L'autorité de l'État sera assurée, elle est là, il n'y a pas de zone de non-droit. Nous reviendrons sur ce dossier et les propos de Manuel Valls dans le journal de 13h. Le torchon brûle entre Paris et Moscou à propos de la Syrie au Conseil de sécurité de l'ONU. La résolution française demandant l'arrêt des bombardements sur Alep a été retoquée par la Russie, qui a mis son veto. Paris relance maintenant l'idée d'une saisine de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre qui viserait tous ceux qui sont complices de ce qui se passe à Alep, a précisé Jean-Marc Ayrault, invité ce matin de France Inter. Il a rappelé que François Hollande hésitait encore à accueillir Vladimir Poutine à Paris, une visite prévue de longue date. Et s'il vient, ce ne sera pas pour des mondanités, a prévenu le ministre des Affaires étrangères. Un débat parfois au-dessous de la ceinture, en tout cas très virulent, c'était hier soir le deuxième débat télévisé de la course à la Maison-Blanche. dimanche entre Hillary Clinton et Donald Trump. Après un week-end désastreux, le candidat républicain à la Maison-Blanche avait besoin de se refaire. Il a menacé sa rivale de prison et s'est permis des attaques contre son mari, Bill Clinton, en rappelant ses frasques sexuelles. Nous reviendrons sur ce débat à 13h. Soulagement en Allemagne, le réfugié syrien soupçonné de préparer un attentat islamiste a été arrêté dans la nuit à Leipzig après une chasse à l'homme de 48 heures. Ce sont deux Syriens à qui il avait demandé refuge qui l'ont capturé. Samsung suspend la production de son Galaxy Note 7. Le dernier modèle de sa gamme de smartphones présente un important défaut de batterie. Certains appareils surchauffent et prennent feu. Le géant de l'électronique avait déjà annoncé le rappel mondial de quelques 2,5 millions de téléphones, mais des appareils de remplacement ont aussi explosé. Samsung semble prêt à jeter l'éponge et a donc suspendu temporairement la production. Frédéric Ojardias. La débâcle du Galaxy Note 7 tourne à la catastrophe industrielle. Même remplacé, les smartphones semblent continuer de prendre feu. L'un a explosé dans un avion aux États-Unis avant le décollage. Les opérateurs américains ont cessé d'offrir le modèle à leurs clients. Derrière ce désastre, la culture d'entreprise d'un groupe obsédé par la vitesse, estime Geoffrey Kane, un journaliste d'enquête qui vient d'écrire un livre sur Samsung. Samsung est une entreprise de type militaire. Sa force, c'est qu'elle est capable de sortir des produits très vite. Les ingénieurs ont été soumis à une pression intense parce que la marque voulait battre le dernier iPhone. Une rumeur disait que ce prochain iPhone était moins bien que les précédents et ils ont donc voulu sortir leur Note 7 plus tôt. Samsung a donc imposé une pression terrible pour faire au plus vite le design et les batteries. Mais ils ont fait une très grave erreur dans la conception de ces batteries qui provoque les explosions. Been causing these explosions. Une débâcle sur fond de transition dynastique. Le PDG du conglomérat, Lee Goni, est hospitalisé depuis 2 ans et son fils, Lee Jae-yong, s'apprête à lui succéder. Alors qu'il n'a pas encore fait ses preuves, il doit déjà affronter sa première crise majeure. Séoul, Frédéric Ojardias, RFI pour France Inter. Et un méga contrat pour Alstom qui décroche avec plusieurs partenaires l'extension de la ligne du métro de Dubaï en vue de l'exposition universelle de 2020. Ça devrait rapporter au groupe français plus de 1 million. Milliards d'euros. Du lundi au vendredi à 14h sur France Inter, La Tête au Carré, Mathieu Vidard. Plongé dans le bouillon scientifique pour comprendre le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, l'intelligence animale avec l'éthologue Franz Deval. Vos questions et les réponses en direct des chercheurs. La Tête au Carré. Avec vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Tout à l'heure sur France Inter, à partir de 14h. Alors ces visites pour louer ton studio, ça s'est bien passé ? Épuisant, j'ai beaucoup de dossiers. Et tu as fait ton choix ? Ah mais c'est très compliqué, entre ceux qui n'ont pas de CDI, pas de caution, comment savoir ? J'ai ta solution, prends un locataire garanti Visal, un dispositif d'action logement qui couvre tes éventuels loyers impayés. Une caution solide et en plus totalement gratuite. Tu devrais aller voir sur Visal.fr. Visal, tu dis ? Bonne idée, je me connecte tout de suite. Eh oui, avec Visal.fr, tu peux louer en toute sécurité. Visal est un dispositif action logement soumis à conditions à consulter sur le site Visal.fr. France Inter, on aime, on vous en parle. Les Inrock Festival, du 17 au 22 novembre. Les Inrock sont de retour cet automne avec les artistes les plus excitants de 2016. Au programme de cette 29e édition du festival, Cassius, Jaguarma, Lescope, Tina Riwen, Paradis, Lys, Formation, Her, Lost Under Heaven et bien d'autres. Les Inrock Festival à Paris et en tournée dans toute la France du 17 au 22 novembre. Un événement France Inter. Plus d'infos sur franceinter.fr. France Inter, il est un peu plus de 12h06 à 13h, le journal avec Bruno Duvic. Pour le moment, c'est la bande originale, deuxième partie avec Nagui. Merci Dominique Delaroy, rendez-vous à 13h pour à nouveau des infos sur Inter et toute l'après-midi pour nous informer. Bonjour, Daniel. C'est pour moi. Bravo. Nous parlons, c'est sympa, non ? Non, c'est parce que je suis content. Petit craquage. C'est bien. Nous parlons de l'Odyssée, ce très bon film qui sort mercredi. Après-demain. Tout à l'heure, et c'est ça, dans deux dodos, encore plus précis. C'est important. Avec Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou, entre autres, au casting de ce film, réalisé par Jérôme Salle. Jérôme et Lambert sont ici pour en parler, avec ce film qui a donc des images incroyables, une histoire sur une toile de fond, en tout cas, d'une histoire vraie, avec une histoire humaine passionnante. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous, Jérôme, de pouvoir tourner, d'avoir les images sur votre pellicule, celles que vous aviez en tête? Parce que j'imagine que pendant 8 ans, sans faire de mauvais jeu de mots, on se fait des films, du film. On se dit, je vais pouvoir faire ça, ça, ça va être génial. Non, mais le plus dur, honnêtement, ça a été d'écrire le scénario. En fait, c'est pas de tourner le film. Tourner le film, c'est des problèmes pratiques, mais vous êtes dans le concret. Le plus dur, c'est à un moment donné, quand vous écrivez un scénario, quand vous avez ce genre de projet pendant des années, c'est vous ne savez pas si vous allez y arriver, juste. Donc vous n'êtes pas dans le concret, vous êtes dans un rêve, dans quelque chose qui est peut-être une chimère. Une fois que vous tournez le film, vous êtes entouré d'une équipe formidable, d'acteurs formidables, et donc du coup vous n'êtes plus seul. Et c'est ça qui est beau moi dans ce métier, c'est ça que j'aime, c'est que c'est un travail extrêmement collectif à ce moment-là. Vous êtes très seul quand vous écrivez et vous êtes très bien entouré quand vous tournez. Oui, pardon, l'inconvénient dans les travaux d'équipe, c'est qu'il peut y avoir justement un élément, oui c'est ça, un élément, un ingrédient qui devient le grain de sable dans l'enrouage, horlogerie fine quand même. C'est un film, si vous voulez, il y avait tellement de problèmes. En fait, c'était tellement compliqué. Vous avez tous les pièges classiques du cinéma. C'est-à-dire, vous tournez sur l'eau, vous tournez sous l'eau, vous tournez avec des enfants, vous tournez avec des animaux, vous avez des vieillissements, vous avez un film d'époque. C'est-à-dire, ça réunissait... C'était tout, voilà. Donc, il y a eu plein de problèmes, tout le temps, constamment. Et en même temps, et d'ailleurs, j'en profite pour dire que Lambert a tourné un formidable documentaire qu'il va sortir dans quelques mois, qu'il est en train de finir de monter, mais il a mis déjà un quart d'heure, c'est ça? Un quart d'heure, oui, sur la page Facebook de l'Odyssée. Et qui montre justement le tournage. C'est la première fois que moi je vois des images qui donnent l'humeur de ce qu'on vit nous au quotidien. Mais c'est une sorte de making-of ou c'est non, plus que ça? Non, c'est un journal de bord plutôt. Et j'ai évité tous les défauts du making-of qui est souvent un peu extérieur et les acteurs et promotionnels se comportent un peu bien comme ça pour parler du film positivement et tout ça. Non, là, j'avais une caméra et comme personne ne pensait, comme je suis très maladroit, personne ne pensait que j'avais mis la petite carte, la petite puce dans la caméra, donc il ne se réfléchit pas du tout. Il n'y a rien dans sa boîte de toute façon. Et finalement, j'ai tourné. Ça le détend. Et en fait, j'ai découvert ces images très tardivement, après avoir vu le film pour la première fois. Je me suis dit, quand même, je vais aller vérifier parce que c'était tellement merveilleux ce qu'on a vécu. Et j'avais ces rushs et voilà, j'en fais un film d'une heure et on peut en voir un quart d'heure si on va sur la page Facebook. Alors, tout à l'heure, Jérôme évoquait aussi le vieillissement, qui est une expression qui veut bien dire qu'il y a un travail aussi d'acteur. Quand il a dit vieillissement, il s'est tourné vers moi. Oui, mais parce que tu es tellement jeune que j'ai été obligé de beaucoup c'est très dur, c'est très dur à faire dans les films. C'est ça qui est dingue, c'est que... Ça te sort du film, quand c'est mal fait. Il faut parler quand même d'un personnage très important dans le film, qui est un maquilleur australien qui a eu des nominations aux Oscars, et avec qui je passais 2 heures tous les matins avant d'aller tourner, parce que ça prenait 2 heures pour le grand vieillissement quand j'ai 70 ans. Et, juste 2 heures c'est un juste 2 heures. C'est pas beaucoup. Non, beaucoup plus de temps pour le rajeunissement. Je tiens à dire que ce maquilleur avait fait Avatar, Le Seigneur des Anneaux, Hobbit, donc il y avait une cohérence. Voilà. Et en fait, ce qui est extraordinaire, quand on sort de la salle de maquillage, on est déjà aidé à 50%, je trouve, en tant qu'acteur, pour le vieillissement et la sensation. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce et qui iront voir le film mercredi, il faut dire que le film se déroule sur quoi? Sur une trentaine d'années? De 47 à 79. Voilà. Ouais. Merci. 30. Tu n'as pas envie de dire oui, je suis en fait. Mauvais. Mais non, c'est pas ça. C'est que je ne voulais pas dire une bêtise. Donc, je vais donner les dates. Okay. Sûr. Voilà. Et là, on voit Lambert Wilson musclé, gaulé, affûté, nageur. On a l'impression que c'est Camille Lacour aux Jeux Olympiques. Tellement. Non, mais c'est bien qu'ils disent. Vous avez travaillé, en tout cas. Oui, j'ai maigri. Physiquement, vous êtes tout le temps comme ça. Alors je ne sais pas. En fait, Jérôme a surveillé le contenu de mon assiette pendant 4 mois. C'est effectivement. Vrai oui. Tous les jours. Non, il regardait instinctivement ce que j'avais dans mon assiette. Alors, il a une grande conscience professionnelle. Je n'avais pas besoin de ça. Est-ce que vous êtes plus comme ça? Non, moi je me regarde, mais vraiment, honnêtement, je trouve qu'on Lambert, est... Non, il est magnifique. Alors moi, Lambert, je peux le dire, oui. Non, il est magnifique dans le film. Mais pour moi, c'est uniquement la seule. Jeunesse, non, mais j'en ai rien à faire de me plaire ou pas. Ce qui compte, c'est se rapprocher ça du aide personnage. Quand même. On est un bout de pâte à modeler. Il est magnifique, Lambert. Et en plus, il est humble. C'est horripilant, Lambert. Mais parce que je le crois pas 2 secondes. Vous vous levez le matin, si vous avez un énorme star sur le nez, vous n'êtes pas content. Mais non, il y a des gens très doués qui vont me ça lui arrive jamais. Ça lui arrive jamais. Non, je voudrais revenir à une chose sur le scénario. D'accord. Non, mais parce qu'en fait, le problème dans la vie de Cousteau, c'est qu'on peut faire 10 films sur Cousteau. C'est-à-dire que la difficulté pour Jérôme, c'était véritablement de choisir un angle. Parce que pour sortir du biopic traditionnel, qui peut être ennuyeux, il a fallu trouver justement une façon de faire la synthèse de tous ces personnages-là. Et il a rassemblé ça sur les rapports familiaux et père-fils. Alors que déjà, on pouvait faire un film sur l'invention du détendeur qui permet de respirer sous l'eau. Déjà, c'est un film, ça. Le Monde du silence, c'est un autre film. Ce qui va se passer après la mort de Philippe, c'est un autre film. Mais ce qui c'est la force, c'est que chacun peut se retrouver dans ce film, parce qu'on est tous des enfants de nos parents. On est peut-être parents de certains enfants, mais en tout cas, on s'identifie au rapport humain des frères. C'est très universel. Ouais. En fait, c'est très rare d'avoir un sujet... On a tous été à la plage une fois. Même à la Pointe Rouge, on peut. C'est très rare d'avoir un sujet comme ça qui est à la fois intime et épique. En fait, moi, c'est ça que j'ai aimé. C'est pour ça que je me suis battu pour que ce film existe. C'est parce qu'il y avait à la fois des scènes extrêmement intimes, des choses très intimes et des choses très épiques, parce que c'est un vrai film d'aventure. Ce mélange-là, en fait, que moi j'ai essayé de retranscrire, c'est une chance, je trouve. Et évidemment, ce qui est encore plus fort, c'est quand on sait que c'est une histoire vraie. Et c'est là où ça prend toute la dimension. Et Yves Pacalet, tout à l'heure, nous a confirmé que vous aviez. Vous avez tapé juste. Vous avez respecté en tout cas votre travail. J'ai rencontré beaucoup de monde. Juste une chose. S'il y avait un film qui s'était fait sur l'invention du scaphandre autonome, les images, je ne sais pas, parce que l'expérimentation numéro un de ce scaphandre autonome s'est faite en 1943, janvier 43, dans la Marne, avec une visibilité qui était à peu près de 15 cm. Le reste, c'était de la boue et de la pollution. Et ça s'est mal passé d'ailleurs. Ils étaient totalement réfrigérés. Ils ont tellement bien bossé qu'ils continuent d'argumenter sur tout ce qui est amené par Yves Pacalet aussi. Voici l'humeur de Daniel Morin. On passe des beautés de l'Odyssée à Daniel Morin. Quel choc. Non, Nagui, en plus, je suis de bonne humeur. Vous n'allez pas me saper ça. Prouvez-le. Je suis tellement jouasse ce matin. Deux grandes nouvelles qui nous viennent de l'étranger. Il y a de cela quelques heures, à l'occasion du deuxième débat pour la présidentielle américaine, Donald Trump a été en dessous de tout. Et c'est comme ça que je l'aime. Oui, je suis comme ça. J'aime les salauds. Je suis fan des sales types. Je vous adore, Nagui. Bref, Donald a été énorme de goujaterie, c'était divin. Après avoir dit dans une vidéo que les femmes, ça s'attrapait by the pussy, il a attaqué Hillary Clinton sur son mari, comme quoi Bill avait eu 4 plaintes de viol contre lui. Mais c'était génial. Par contre, il aurait dû aller plus loin, Donald. Hillary for president, I don't think so. No, no, no. En plus de son mari Bill Satir, je sais que Poopy, le chien de Hillary, il se tape le poisson rouge du voisin. Yeah. Can you imagine le détresse de le poisson isolé dans le bocal? Nowhere to go. En plus, il peut pas porter plainte, il peut pas parler, le fucking Poopy. Si Hillary elle devient président, c'est tous les poissons du monde qui vont vivre dans la peur. Même le commandant Cousteau, il était pas aussi cruel avec la poiscaille et la dynamite. God save America. God save le poisson rouge. Allez, Donald, encore le débat du 19 octobre, il s'est plié. Allez, à présent, parlons prestige. Attends, si tu te fous de ma gueule quand je fais Yves Montand, je vais parler de toi pour... Genre, j'ai dit. Non, Stade Laurel. Attendez, c'est pas fini. C'est Laurel et Hardy. C'est pas fini. La gare Simard à venir. Parlons à présent du prix Nobel avec le plus prestigieux d'entre tous, le prix Nobel de la paix. Un prix attribué au président colombien Juan Manuel Santos. Si. Cher président Santos, au nom de l'Académie Nobel, j'ai le grand honneur de vous remettre le prix Nobel de la paix 2016. Muchas gracias. Votre action en faveur de la paix dans votre pays avec les FARC vous a désigné comme lauréat naturel à la récompense suprême. Que bonito. Le prix Nobel de la paix n'est pas seulement une récompense, c'est aussi surtout un message envoyé au monde. Ah, claro que si. Un monde tourmenté, un monde qui a perdu ses repères, un monde désemparé auquel vous redonnez espoir, Juan Manuel. Réussir à restaurer la paix est la plus belle chose du monde et je suis fier de vous remettre votre prix et ce chèque d'une valeur $1 million. Caramba, miam miam. Ce prix Nobel 2016, très cher Juan Manuel, est à vous. Et maintenant, prenez la parole, nous sommes tous très impatients de vous entendre. Gracias, compañero. Alors, ce prix Nobel, il représente beaucoup pour mon peuple, mais pas que. Ce prix, il représente des années de lucha, de travail acharné. C'est énormément de l'émotion. Pour finir, je voudrais dire merci beaucoup de tout le monde, mais on n'a pas le temps. Si, si, je vous en prie, monsieur le président, allez-y. Non, tant pis. Monsieur, allez-y, c'est votre moment. Vous êtes sûr? Enfin, allez-y, cher ami, vous êtes le prix Nobel de la paix, faites-vous plaisir. Ok. Alors, ce que j'ai vraiment au fond du corazon, je vais vous le dire. Caramba, coño, le prix Nobel de la paix pour un colombiano. Ah, d'abord, je veux dire, gracias, mis compañeros del cartel de Medellín. Escucha, hombre, ça va faire la fiesta de malade de la cabeza. Ah, là, là, nous, en Colombie, on sait recevoir une récompense. On fait pas, merci, très gentil, on va faire dodo. Non, on se saoule la gueule, on prend la cocaïne. Viva Colombia. Ce soir, je rentre directement au pays pour dépenser le million de dollars. Alcool, musique, droga et putas, comme chez le seigneur Nagui. Et pourquoi tu viens pas avec moi, cogno? Oh, je ne sais pas, ce soir j'ai mon cours de bridge. Mais va chier le bridge, y'a, hermano. On va s'en foutre plein les narines. Ah bah oui, l'enthousiasme sud-américain. Y'a que ça de vrai, mon bon Nagui. Alors pour conclure, juste un petit clin d'œil, un petit retour en France avec ce coup de chapeau à Karine Le Marchand, qui hier soir, en deux heures de programme Confession Intime, de candidat à la présidentielle sur fond de musique que même Nagui n'en voudrait pas dans Taratata, a réussi à faire chialer Bruno Le Maire et Arnaud Montebourg et a réussi à rendre hyper sympathique Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen, tour de force. Chapeau Karine, vivement que tu fasses de la géopolitique pour nous montrer que Poutine n'a pas que de mauvais côté et que Kim Jong-un en soirée, c'est vraiment un gros gros déconneur. À demain. La bande originale, la vie sur France Inter. Voici le brouillon de culture de Leila Kadoro-Dedi pour Jérôme Salle et Lambert Wilson. Jérôme... Lambert, je vous sors de la promo, un petit bol d'air histoire d'apprendre à mieux se connaître et on commence par un son pour vous, Lambert, qui devrait vous rappeler l'enfance. The Three Musketeers. A dazzling display of swashbuckling stars. Oliver Reed, Athos. Raquel Welch, Constance. Richard Chamberlain, Aramis. Michael York, D'Artagnan. Frank Finlay, Porthos. Jean-Pierre Cassel, Louis XIII. Faye Dunaway, Milady. And Charlton Heston, Cardinal Richelieu. Je demande à Daniel Morin Richelieu. De faire la Richelieu. BO. La BO des Trois Mousquetaires de Richard Lester, que vous avez vu. Mais quand oui, je l'ai vu, et ce qui m'a troublé l'autre jour lors de l'avant-première de l'Odyssée au Normandie, c'est que c'était au Normandie, j'avais 13 ans, et le lendemain j'ai décidé d'être acteur, parce que tous ces gens étaient là, et que c'était ma première grande première, et ça m'est monté à la tête immédiatement, et c'était devant le même écran que celui sur lequel était projeté. La boucle est bouclée, c'est beau, voilà. Non voilà. Et c'était très émouvant parce que c'était des superstars mondiales et que quand on est lycéen et qu'on arrive de Rambouillet et qu'on se retrouve devant Raquel Welch et Faye Dunaway et Géraldine Chaplin. Mais je vous regarde, Daniel. Pour... Je vous en prie. C'est à ce moment-là que la graine s'est plantée, quoi. C'est ça, c'est ouais. À ce moment-là que... Calme-toi, toi. Ouais. Non, Raquel Welch, je sais pas, voilà. Ah bah oui, bah, suffit de dire le nom, de toute façon, déjà on a compris. Et regardez, Daniel, après. Et vous, Jérôme, il y a eu un film déclic? Alors moi, oh, il y en a eu plusieurs, mais enfant, c'est l'homme de Rio, ah, qui m'a donné ouais. envie de faire ce métier. Ça bondissait, c'était brillant, c'était intelligent, c'était élégant. Vous vous souvenez dans quel cadre vous l'avez vu? Oh, chez moi, dans le cadre ouais. de mon salon, j'imagine. Non, oui. mais ça pourrait être au cinéma. Ah, le passage à télé. Non, je l'ai vu en passage. Mais je ne suis pas si âgé, Nagui, donc oui, c'est en passage télé, absolument. D'accord. Non, c'est pas en diffusion au cinéma. Il y a des ciné-clubs. Non, c'est vrai, mais j'habitais en province. Donc du coup, voir dans des petites villes. Donc non, c'est à la télé que j'ai vu l'homme de Rio et j'ai adoré, je l'ai vu un nombre de fois incalculable. Un autre son, et à présent, c'est pour vous, Jérôme. C'est le plus grand des voleurs. Comment encore, ça Jérôme, prenez ça, Jérôme. Le mec, ils essayent de monter une prod, c'est le plus grand des voleurs. Allez, prends-toi ça. J'ai une pensée pour mon associé. Mais c'est Gentleman Cambrioleur, chanté par Dutronc, qui a servi de générique pour la série avec Georges Descrières dans le rôle d'Arsène Lupin. Et j'ai cru comprendre que c'était peut-être même le titre de votre prochain film, mais comme vous m'avez dit tout à l'heure, vous ne saviez pas trop ce que vous allez faire. Vous êtes tellement bien informé, mieux que moi presque en fait. Encore un héros. Encore, oui, encore un héros populaire. Je sais pas. Moi, je fais des. Je ne sais pas. En fait, je ne peux pas répondre à cette question. Non, mais effectivement, c'est un projet que j'ai. Mais aujourd'hui, je ne sais pas encore ce que je vais tourner comme prochain film. Voilà. J'attends. En fait, je vais vous dire à trois jours de la sortie, deux jours, je ne sais plus. Ouais. Combien de dodos deux dodos, c'est ça. Deux dodos de la sortie qui ne sont pas des vrais dodos parce que je dors peu. Je suis incapable de me pencher sur quoi que ce soit. C'est justement, c'était pour vous détendre, pour vous donner gentil. Un ailleurs. Mais je le prends très, très bien. C'est gentil. Merci beaucoup. Une issue de secours. Ça me touche énormément. Et revenir à cette Arsène Lupin, c'est ça, je reviens à Arsène Lupin, je tac. Sinon, en général, est-ce qu'on est plus libre? Non, je vous regarde. On est plus libre. Avec la phrase n'est pas finie là. Est-ce que non? Elle n'est pas encore finie. C'est que j'attends. J'y vais doucement pour chacun être sûr. Chacun s'en est pris une aujourd'hui. Attention au retour. Est-ce qu'on serait pas un peu plus libre avec un personnage de pure fiction? Parce que tout d'un coup, vous expliquiez tout à l'heure votre difficulté à écrire le scénario sur Cousteau, parce que il y a tellement de choses à dire, trouver le texte satisfaisant. S'emparer à nouveau d'un personnage comme Arsène Lupin qui appartient un peu à tous. Non, mais si je devais tourner un film dans l'univers d'Arsène Lupin, ce serait pas un Arsène Lupin classique. Donc, ce serait me servir de cet univers pour réinventer quelque chose. Donc voilà, je ferais pas juste un Arsène Lupin. C'est d'ailleurs pour ça que ça ne s'appellerait pas Arsène Lupin. Il y aurait un costume, mais il y aurait d'autres choses autour. Non, mais ce serait vraiment dans cet univers-là, mais différent. En tout cas, pour un mec qui veut pas le tourner, ouais, il est bien au courant. Hein. Finalement, j'ai réussi à lui faire sortir deux, trois trucs et je finis toujours avec un petit conseil culture pour nos invités et un petit cadeau. Je commence avec vous, Lambert Wilson. Je vous offre la dernière bande dessinée de Zep, Un bruit étrange et beau. C'est chez Rue de Sèvres. Il sera notre invité vendredi dans la bande originale. Et pourquoi? Parce qu'il s'agit de la vie monastique, un des sept grands rôles dont vous parliez tout à l'heure dans les catégories. Et un petit cadeau aussi pour vous, Jérôme. Alors, rien à voir avec Arsène Lupin, votre prochain film. plutôt un bouquin qui pourrait peut-être vous donner des idées, de Stéphane Bourgoin, À chaque jour suffit son crime. Considérez qu'il y a des agendas, des almanachs comme ça, où tous les jours on a une blague, une histoire ou un proverbe. Et là, tous les jours, on a un petit scénario policier. Et donc, voilà, c'est un livre à feuilleter et c'est au Point. Édition Le Point, voilà. Nous parlons de L'Odyssée, ce film qui sort ce mercredi avec Lambert Wilson dans le rôle principal, j'allais dire dans le rôle titre, comme si L'Odyssée était un personnage, mais pas loin n'empêche, dans le rôle du commandant Cousteau avec Jérôme Salle à la réalisation. Est-ce que dans ce projet, dans ce film, vous êtes obligé de faire des coupes à regret, ce que l'on entend souvent, c'est-à-dire parce qu'on ne peut pas faire des films de 3 à 4 heures, je ne me rends pas compte d'ailleurs tellement... C'était agréable lors de la projection. Je ne me rends pas compte s'il est considéré comme court, long, normal. Oui, comme deux heures. Voilà. Non, il y a des longueurs, quand même. Est-ce que. Est-ce que vous n'aimez pas beaucoup, lui, alors. Est-ce que vous avez retiré une scène qui... J'ai retiré, mais avant. En fait, c'est un film. Alors, je dis souvent, parce que des fois, les gens qui voient le film et certains journalistes même me disent, ah là, c'est formidable, on dirait un film à l'américaine, ce qui m'agace en fait, parce que c'est un film très français. Ça veut dire quoi, un film à l'américaine? Mais justement, c'est une bonne question. Alors, je vais vous dire, je pense qu'à l'américaine, ça veut dire qu'en fait, il y a un sens du spectacle, il y a une image, et voilà, je trouve ça très vexant pour le cinéma français. Donc, non, c'est un film très français, en fait, qui a été fait dans une logique très française, avec pas mal de système D, et aussi avec un argent limité, on va dire. Donc, du coup, les coupes dont vous parlez, je les ai faites avant. En fait, je crois que j'ai coupé une scène de 40 secondes en tout et pour tout entre ce que j'ai tourné et ce que j'ai monté au final. La mienne. J'avais pas les moyens, si vous voulez. Je sais pas. Non, la non mienne. Tu n'étais pas dans cette scène. Non. Toi, j'ai raccourci certaines scènes avec toi. Sinon, tu écrasais le film de ton talent. Je sais pas si c'est voulu dans l'exercice de réalisateur, mais en tout cas, c'est aussi un ressenti. Le rythme de la réalisation et du montage n'est pas le même en fonction de la scène filmée. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a deux réalisateurs presque qui ont travaillé sur ce film. Oui, mais parce qu'en fait, je cherchais quelque chose d'assez particulier dans le film. Je n'ai pas compris ce que je voulais dire, Lambert. Mais du tout. En fonction de certaines scènes, c'est du chant contre chant, c'est coupé, c'est très rythmé. Le découpage est différent. Et d'autres, au contraire. Plus contemplative. Plus, exactement. Il y a aussi quelque chose que je cherchais dans ce film qui est assez particulier dans le rythme, c'est que je voulais que le film s'écoule comme la vie s'écoule, c'est-à-dire sans se rendre compte du temps qui passe. Et je voulais qu'à un moment donné, comme on se regarde parfois dans un miroir à côté d'une vieille photo, on se dit, oh la vache, en 10 ans j'ai pris ça, je m'en suis pas rendu compte. Et je voulais que le film s'écoule, voilà, de cette manière-là. Donc je ne marque pas d'ellipse. Le temps s'écoule pendant plus de 2 heures et vous vivez avec cette famille, vous vivez avec cet homme. Et voilà, il y a quelque chose d'un peu nostalgique là-dedans. Il y a une scène dans L'Odyssée qui vous plaît plus qu'une autre, Lambert. Il y en a une à retenir. Oui, bon, il y a une très grande scène entre Pierre et moi, une confrontation père-fils dans un restaurant. Elle est vraiment étonnante dans un film où il y a quand même de l'action. Il y a 4 minutes d'un dialogue et très émouvant. Mais on ne s'ennuie pas. Hein. C'est même le nerf de la guerre. Quoi. Ouais. Et quand bien même, c'est pas mal de s'ennuyer. Et puis aussi, à chaque fois que je revois la fin du film, il y a des images en Antarctique qui me bouleversent parce qu'on a été, Pierre et moi, sur la banquise et on a été filmé par un drone. Donc il fallait qu'on soit isolé du reste de l'équipe qui était parti en Zodiac. Et à chaque fois que je vois ce plan-là où on est tout petit sur la banquise, je me dis, c'est nous. On est au milieu du pôle sud, sur une banquise, et c'est pas des figurants, c'est pas de l'image de synthèse, c'est nous, voilà. Et ça à chaque fois, ça m'émeut. C'était tellement beau, c'était tellement sublime et surréaliste en même temps d'être là, que heureusement j'ai un anorak rouge. Donc quand vous voyez l'anorak rouge, c'est le mien. Des excuses à présenter, Daniel Morin. Absolument, je suis désolé en premier lieu pour les enfants de Jérôme Salle, dont l'inculture cinémato-poissonnière a été pointée par leur Ma papa. Ma mère écoute cette émission. Je tiens à le préciser. J'espère bien. Et on l'embrasse. Attends, j'ai l'impression que vous voulez bien chercher des gosses. Désolé pour le cœur d'enfant de Nagui Moubarak Junior, qui a découvert que dans l'Odyssée, les poissons avaient été rajoutés par trucage. Le petit bouchon, il est naïf, j'ai le frisson. Désolé pour Tom Villa, qui s'est fait tabasser, passer à tabac par tout le monde ici. Lambert, Jérôme, le public, Nagui, Yves, enfin bref. Et ah désolé, on vient d'avoir ta copine au téléphone. Elle te quitte. Merci Lambert Wilson, merci Jérôme Salle. Et surtout bravo, un immense bravo pour cette Odyssée qui sortira mercredi. Et Dans deux dodos, c'est ça. Mais il faut parler comme voisin. Vous savez qu'on a reçu une lettre en disant c'est honteux de prendre les auditeurs pour des idiots en parlant en termes de dodo. Bah non, c'est comme ça que tous les papas parlent à leurs enfants. Qui n'ont pas J'en ai quatre. Qui n'ont pas la notion du temps. Très bien. Donc dans deux dodos, le film sortira. On se retrouve demain avec Richard Anconina et en live, ça sera Tété qui viendra chanter ici dans ce plateau. Et là, vous retrouvez les carnets de campagne de Philippe Bertrand. L'Odyssée, c'est mercredi. Merci Nagui, merci la bande. À demain. Une Yaris hybride? T'as encore été augmenté? Bah non, mais pas du tout. Elle coûte que 159 euros par mois. Une hybride à 159 euros par mois? Bah ouais. Mais je peux en avoir une à ce prix-là? Jusqu'au 31 octobre, la Toyota Yaris hybride est au prix exceptionnel de 159 euros par mois, entretien inclus. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière pour Yaris Hybrid France en location longue durée 37 mois, 30 000 km, premier loyer 1990 euros, bonus écologique 750 euros déduits sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 8 ans, sous réserve d'acceptation par Toyota France Financement, voire Toyota.fr. Le 13 octobre, à l'auditorium de la Maison de la Radio, l'éclatant Sergueï Kachatryan interprète le concerto pour violon de Sibelius, un des grands chefs-d'œuvre du XXe siècle. Le 13 octobre à 20h, avec l'Orchestre National de France, dirigé par Giancarlo Guerrero. Un Sibelius lumineux. Réservation maisondelaradio.fr. France Inter, on aime, on vous en parle. Les Inrock Festival, du 17 au 22 novembre. Les Inrock sont de retour cet automne avec les artistes les plus excitants de 2016. Au programme de cette 29e édition du festival, Cassius, Jaguarma, Lescope, Tina Riwen, Paradis, Lys, Formation, Her, Lost Under Heaven et bien d'autres. Les Inrock Festival à Paris et en tournée dans toute la France du 17 au 22 novembre. Un événement France Inter. Plus d'infos sur franceinter.fr. La Comédie Française vous invite à vivre un moment unique dans plus de 300 cinémas, jeudi 13 octobre à 20h30. Découvrez en direct au cinéma Roméo et Juliette, le chef-d'œuvre de Shakespeare, retransmis en direct de la salle Richelieu partout en France. La Comédie Française en direct au cinéma. À retrouver aussi dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. France Inter, c'est l'heure. Carnet de campagne avec l'UFC Que Choisir, le mouvement de consommateurs de référence. Retrouvez et rejoignez l'association locale la plus proche sur quechoisir.org. Carnet de campagne, bonjour. Nous établissons notre camp cette semaine dans le Jura, près le Doubs, faiblement peuplé avec un pouvoir